Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans les podcasts de la nuit. Nous sommes en compagnie donc de Hugo, aka Cinémacro, Bonsoir à tous. ainsi que Roman, aka Roman. Oui, c'est moi. Donc, bienvenue dans ce premier podcast. Pour faire le sommaire, dans une première partie, on va vous parler des films qui font l'actualité, donc les films qui sont actuellement en salle et que nous avons vus. Ensuite, nous partirons sur un top 3 des découvertes qu'on a fait ce mois-ci, donc des films qui ne sont pas spécialement au cinéma, mais dont on aimerait parler. Et ensuite, nous parlerons du sujet principal de ce petit podcast, à savoir les films à voir pour Halloween. Donc, on va peut-être commencer avec un film qu'on a vu tous les trois ce mois-ci. Donc, Hugo, pour commencer, qu'as-tu pensé de Adieu les cons de Albert Dupontel? Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Adieu les cons, c'est une vraie claque. Je trouve que Dupontel, plusieurs années déjà, c'est ce qui redore un peu l'image du cinéma français, même si elle n'a pas forcément besoin d'être dorée. Étonnamment, j'étais très surpris par la performance de Virginie Efira, où je l'attendais pas forcément, mais elle a vraiment réussi à m'émouvoir. Je suis un peu sorti de la salle en voyant fou à cause des larmes, je vais pas mentir. Et non, je trouve que c'est bon, comme d'habitude avec Dupontel, c'est super bien réalisé, le montage aussi très très bien rythmé. Et puis même au niveau de ce qui est sur la photographie, je la trouve différente en plus des autres films. Et ça donne vraiment une ambiance au film. Et je crois que vous aussi vous avez aimé, mais je suis pas sûr. D'accord. Moi personnellement j'ai beaucoup beaucoup aimé le film. Aussi encore une fois l'esthétique, je la trouvais très léchée et très très cool avec ce petit ton de jaune. Les acteurs bien sûr étaient géniaux. Efira, Dupontel. L'autre je sais pas c'est qui l'aveugle mais il était cool aussi. Nicolas Marié. Ah merci. Je connais pas du tout. Et surtout en fait en termes de technique j'ai trouvé ça super cool. Je pense que ça a un peu claqué tout le monde, mais la scène où t'as Virginie Efira et Nicolas Marié du coup qui montent les escaliers en colimaçon, c'est une scène qui a fait beaucoup de bruit parce que encore une fois c'est un plan qui est juste que je trouve super beau avec cette caméra qui suit exactement sans trembler Virginie Efira qui monte, etc. C'est très très fluide. Voilà. Donc Roman, un petit mot à dire sur le film? Alors, je tiens à dire que je suis pas un expert en Dupontel. C'était mon troisième film que je voyais de lui. Je l'avais découvert avec Bernie il y a 3 ou 4 ans. Enfin, j'avais découvert Bernie il y a 3-4 ans. Et j'ai pris une vraie claque avec Au revoir là-haut il y a 3 ans quand il est sorti. C'est un chef-d'œuvre, Au revoir là-haut pour le coup. Et Adieu les cons, c'est aussi une petite claque de 2020. Et ouais, bah vous avez déjà à peu près tout dit. La technique est magnifique. Les plans, certains plans sont absolument fous. Le colimaçon, justement, en particulier. Le caméo de Terry Gilliam m'a fait mourir de rire, clairement. Alors, on n'en parle pas assez de ce putain de caméo, mais Oui, ouais, c'est je vrai que j'ai comprends. oublié, oui. Et ouais, bah pas grand chose à ajouter. Adieu les cons, c'était vraiment, vraiment une excellente surprise, même si j'étais pas si surpris que ça d'aimer le film. Je m'y C'est attendais vrai un peu. que tu m'avais donné à voir Au revoir là-haut, et c'est vrai que ce film est vraiment excellent, il faudrait que je me le procure en DVD ou en Blu-ray. Mais ouais, un truc par contre qui m'a un petit peu dérangé avec Adieu les cons, c'est que bah, déjà c'est que bah, justement Albert Dupontel est un cinéaste un petit peu punk qui soulève quelques problèmes de société. Justement, dans Adieu les cons, il y a un petit côté ACAB, ACAB, que je trouve pas terrible. Je trouve pas que ce soit un côté ACAB, justement. Ah. Mais il reste quand même dans la mesure. C'est-à-dire que les flics, ok, sont montrés sont montrés comme violents, mais envers des personnes qui ont, selon la version officielle, attaqué des personnes avec une arme à feu. Ce qui reste assez logique, mine de rien. Et ouais, la fin, je vais pas révéler ce que c'est. Ouais. Mais pareil, ça reste logique. Mmh. Ouais, mais il y a aussi le discours au début du film du médecin qui m'a un peu dérangé. Ouais, aussi, c'est vrai. Mmh. Oui, c'est pas faux. Là, j'étais un peu en mode ah, ok. C'est pour elle, c'est un cinéma de paria, donc. Forcément que la police qui symbolise le système sera pas prise au sérieux dans le film. Oui, je suis d'accord, mais après il est pas spécialement modéré. Je veux dire, quand tu vois par exemple les autres qui inventent une version totalement farfelue des faits. Bon, la scène est drôle hein, quand même, mais ils disent par exemple que si jamais il a tiré sur le mec, c'est parce que le mec il a pris le dernier café. C'est totalement con, mais. Mais voilà, c'est un petit côté encore un petit peu accable que je trouve assez dérangeant. Je n'ai pas trouvé ça dérangeant, mais ça m'a fait beaucoup rire personnellement, surtout la vanne du café. Oui, ça je suis d'accord, elle était très drôle. C'est assez absurde. Mais Romain parlait de la fin. Je ne sais pas ce qui a été filmé, mais en tout cas, il y a eu 4 fins différentes qui ont été filmées. Il a gardé celle-là au final. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les autres, mais en tout cas, non, je ne sais pas. En fait, je pense que le... Je suis plutôt d'accord avec Roman là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment un énorme quiproquo, en fait, enfin, comme c'est montré pendant tout le film. Oui, je suis d'accord, le film est montré comme un gros quiproquo. Oui, et je sais pas, moi je l'ai pas perçu comme une volonté d'un peu de diaboliser la police ou quoi. Donc, Ah, si, j'ai pas dit que c'était la volonté du film, mais j'ai dit qu'il y avait ce côté-là dans le film, comme il y a aussi une critique de l'administration et de plein de choses. C'est pas ce qui m'a dérangé, enfin ça m'est même pas venu à l'esprit en fait, genre avant que t'en parles, j'avais pas pensé, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois un peu ce que tu veux dire, mais pour moi c'est pas tellement un problème quoi. Oui. Un dernier point que j'aimerais évoquer, voilà, quand tu parlais du fait qu'il y avait plusieurs fins différentes, justement, ça sera à voir avec le Blu-ray, je pense. S'il y a un Blu-ray qui sort du film, et il y aura un Blu-ray qui sortira du film, je pense, ouais. Ça sera intéressant de voir les autres fins et peut-être d'en reparler en fait une fois qu'on aura vu les autres fins. Ça risque d'être intéressant. Voilà. Bon, et quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur Radio Les Cons ou on peut enchaîner? Bah, juste aller le voir quoi, parce que c'est génial et en plus c'est pas très long. Ça fait vraiment du bien au moral. Donc franchement, allez le voir. Oh, le film marche plutôt bien en France. C'est plutôt cool. Allez le voir les gens. Bon, on va peut-être enchaîner sur le deuxième film de l'actualité dont on aimerait parler. Là, j'hésite. T'as une idée, quelqu'un a une idée de quel film il voudrait parler pour la suite? Moi, j'aimerais bien qu'on crève l'abcès. On l'a tous dit. Oui. Donc, Drunk. Relique. Ah, Relique. Relique ou Drunk, ouais. Ouais, bah allez, on part sur Relique. Allez, partons sur Relique. Alors, un film pour après. D'accord, bah Roman, tu peux commencer sur Relique. T. Do you know where you were, Mum? I suppose I went out. What's this? I was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end. Alors, Relique, du coup, c'est un film d'horreur australien qui est sorti il y a 2 semaines, il me semble, qui raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui décident d'enquêter sur la disparition de la grand-mère parce que mamie s'est barrée. Et au bout de 15 minutes, mamie réapparaît et c'est plus la même, elle a un comportement bizarre et c'est la merde. Ouais. Pas 15 minutes, t'as abusé de ouf. Non, elle revient. 15 minutes de film. Non, même plus. C'est sûr. Ah ouais. Je sais pas, parce que moi, le moment m'a semblé assez long, en fait. Bon, du coup, je vais peut-être enchaîner sur mon avis. Désolé de te couper l'herbe sous le pied, Roman. Je te laisserai parler de ton avis après. Donc, c'est un film réalisé par Nathalie et Erika James. Donc, un film australien. Et faut savoir que je suis extrêmement fan du cinéma australien. Mais pas ce film. J'ai pas vraiment accroché à l'univers. J'ai pas accroché au film non plus. J'ai trouvé le truc assez long, assez mal rythmé. T'as une heure de film où tu te fais chier et c'est que dans les 30 minutes, 30 dernières minutes que le film se révèle. Et même quand il se révèle, j'avais un petit peu du mal parce que je trouve que le concept est assez mal utilisé. Même si le concept est assez fort et assez intéressant, j'ai trouvé qu'il était mal utilisé et qu'il était un petit peu gâché. Après, la photographie est sympa, même si ça reste dans des trucs beaucoup trop ternes, beaucoup trop voilà. C'est une esthétique que j'ai eu l'impression d'avoir vu beaucoup de fois dans le cinéma d'horreur. Mais faut avouer qu'il y a certaines idées visuelles qui sortent du lot et qui sont intéressantes. Je parle notamment donc des sortes de grosses taches noires. Ou alors du truc de la maison dans la maison dans la maison. Et même la fin avec le body horror, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Même si ça n'a pas aidé à aimer le film. En partie à cause de la première partie que j'ai trouvé beaucoup trop étirée, beaucoup trop... Trop tiré, voilà ça, trop tiré, trop longue, trop chiante. Après, bien, l'ennui, c'est très très personnel, mais je me suis vraiment fait chier comme un amant dans la première partie du film. Et ça m'a un peu fait sortir du film, même à la fin, j'étais plus dedans. Quoi. Voilà. Roman, vu que je t'ai coupé l'arbre sous le pied et qu'on a commencé la dernière fois avec Hugo, autant finir avec Hugo, qu'est-ce que t'as pensé de Relic? Alors, comme toi, je me suis au début. Et j'ai trouvé que la fin pour le coup est assez assez originale avec ce message du coup très très familial et ultra sororel, on va dire, mais j'avoue que ouais, l'ennui prime sur une grande partie du film et je suis quelqu'un qui est très, très sensible à l'ennui. T'as dû le savoir maintenant. Mais ouais, et Relic fait pas exception. Et vu que tu m'as fait découvrir du cinéma australien récemment, j'avoue que Relic c'était un peu une déception. Et que ça, je trouve que quand même que ça reste un bon film, mais ouais, limite quoi. Ouais. De toute façon, les meilleurs films australiens, c'est La Dernière Vague de Peter Weir et Next of Kin. Regardez ces films, ils sont vraiment très très bons. C'est pas le sujet. J'en fous, je veux pas être film australien et je t'emmerde. Bon allez, à ton tour, Hugo. Bah du coup, en vrai, c'est pas si mal que ça finisse par moi, parce que je suis la personne qui a le plus aimé le film, en fait. Alors, je sais pas vous, vos conditions de séance. En tout cas, moi, c'était à 9h au hall, j'étais tout seul dans la salle. Donc alors... autant dire que... Vas-y, vas-y. Moi, sur le tout début du film, t'avais des nanas qui bouffaient un popcorn de manière extrêmement lente. Et à la fin du film, dans la partie body horror, je les entendais, elles faisaient « Ah oh, ah !» Alors que moi, j'étais à côté en mode « Hmm. » Alors, il y a un truc que t'as pas précisé. C'est que t'es bien, c'est bien, t'as précisé le nom de la réalisatrice et tout. Mais je trouve ça important de souligner que c'est son premier long métrage quand même. Oui, mais encore une fois, premier long métrage, ça ne veut pas spécialement dire quelque chose de maladroit ou quelque chose de moins bien. Ça ne veut rien dire. Je prends l'exemple d'un autre film australien récent, Babadook, il est excellent. Et c'est le premier film. Bon, elle avait fait un court métrage avant, mais c'est le premier film de la réalisatrice. Il faut que vous voyez Babadook. C'est un peu, il est un petit peu connu. Il s'est vraiment un nom, mais Mr. Babadook, grosse référence du cinéma d'horreur moderne. À voir. Ulysse aime le cinéma australien de sa vie. Attends, mais hey, c'est quand même dans le thème, cinéma d'horreur australien actuel, oui, réalisé par une nana. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Non, du coup, alors après, ça reste totalement subjectif, mais moi, je n'ai pas du tout ressenti l'ennui dont vous avez parlé avant. Je ne sais pas d'où il sort. En fait, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, c'est de plus en plus la tendance, mais c'est vraiment par rapport à l'ambiance. L'ambiance va créer la frayeur. J'ai trouvé qu'il y avait des notions de mise en scène ultra intéressantes. Genre, t'as un plan sur juste l'actrice principale qui est là, et tu sais, il n'y a rien, et d'un coup, au bout de 10 secondes, t'as un truc qui bouge dans le fond, et t'es en mode, il va se passer quoi là? Et ça amène à une frustration, mais je me suis dit une quinzaine de fois, ok, là, il y aura un screamer. Et il y en a zéro dans le film. Et c'est un peu une frustration, même si je trouve pas ça dérangeant. Ah, moi, c'est vraiment dérangé l'absence de screamer. Enfin, de jumpscare. J'aime beaucoup les jumpscares dans les films. C'est un petit peu mon péché mignon, j'aime beaucoup ça. Et pour le coup, il n'y en avait pas, donc j'étais un petit peu déçu. Bah, et par rapport à ce que tu avais dit aussi, quand tu lui dis, je sais pas d'où sort l'ennui et tout. Là, ça, je l'ai précisé. L'ennui, c'est quelque chose de très très personnel. Je sais plus c'est quel cinéaste qui disait, vous êtes responsable de votre propre ennui. Bref, je te laisse poursuivre, je suis désolé. T'inquiète, mais du coup, voilà, moi, c'est un long métrage, j'ai beaucoup été séduit. Tu parlais de la photographie, je suis pas pour le coup, même si j'ai beaucoup aimé le film, je suis pas un immense fan, mais je trouve que ça colle bien au film, donc c'est, encore une fois, c'est pas dérangeant. Je connaissais aucune des actrices, enfin, du coup, j'ai découvert après coup que j'en connaissais une, j'ai plus son nom. Faut que je retrouve en parallèle, mais qui avait joué dans The Neon Demon déjà. Et franchement, je trouve que ça joue bien. Et là où j'ai eu la surprise aussi, c'est au générique, parce que il y a quand même en producteur, il y a des gros noms quoi. Et j'ai trouvé ça quand même assez étonnant, parce que quand on voit le film, on dirait genre le petit truc qui a un peu galéré à se produire et tout, et quand on voit qu'il y a des gros noms comme Jack Gyllenhaal ou les Russo qui ont mis de l'argent, c'est assez impressionnant. Oui, donc le nom de l'actrice, c'est Bella E. Scott. C'est ça, qui jouait Gigi dans The Neon Demon, si je me souviens bien. J'ai pas vu Neon Demon. Ah! Je sais, oui, ok. On enchaîne, le film suivant. sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Relic. Attends, il y a Roman qui veut parler. Juste, ce que tu disais sur le fait de derrière il y a quelque chose et tu te rends compte qu'il y a ça. Alors c'était déjà plus flagrant dans Sinister pour le coup, le fait que tu vois quelque chose derrière le personnage principal et que lui ne voit pas. Mais Sinister est un chef-d'œuvre, là n'est pas la question. Et je veux dire, niveau mise en scène, à part foutre des trucs derrière l'héroïne, ils ont juste pas allumé la lumière, quoi. Il y a un petit truc de mise en scène que j'ai trouvé pas mal. La grand-mère est beaucoup filmée à travers un miroir. On voit que son reflet. Ouais, c'est vrai. Ça, je l'ai remarqué direct dès les premiers plans de miroir. Et du coup, je vais pas spoiler le film, mais ça fait sens. Et le moment où d'ailleurs elle est filmée dans le miroir, et ça c'est dans la bande-annonce, donc je spoil rien, mais ça m'a mis quand même mal quand il y a sa petite fille qui l'observe et qu'elle est là, je te vois, et j'étais en mode ah, j'ai peur la mamie. Ah oui, d'ailleurs, ne voyez pas les bandes-annonces de films d'horreur, ça va vous gâcher le film. Voilà. Ça dépend de la bande-annonce après. Donc, si personne n'a rien à rajouter dessus. Voilà, on peut enchaîner sur Duluc de Thomas Vinterberg. Duluc. Oui, mais c'est le titre original, il me fait rire. Duluc. C'est vrai. Ah oui, Duluc. Oui, c'est vrai qu'il y a Duluc au début du film, oui. Donc, Drunk de Thomas Vinterberg. Donc, je vais résumer le film vite fait. C'est l'histoire de plusieurs profs qui vont faire une expérience comme quoi il manquerait naturellement à l'être humain 50 grammes d'alcool dans le 0,5 grammes d'alcool. Oui, non, sinon c'est un petit peu mortel. 50, bon. Je suis l'homme alcool. Non, mon sang, c'est de la vodka. Non, mais 0,5 grammes d'alcool dans le sang pour être heureux, pour avoir une vie épanouie, etc. Et donc, ils vont faire l'expérience. Ça tourne mal, explication. Donc, vas-y, pour cette fois-ci, ça va être Roman qui va commencer. Alors, je connaissais pas du tout Vinterberg, clairement. Pour moi, c'est un total inconnu. Et du coup, dès que je l'ai découvert avec Drunk, et petite claquasse, franchement, vraiment très bon film, Drunk. Mads Mikkelsen, je le connais pas en dehors du cinéma américain où il joue le méchant de Casino Royale ou celui de Doctor Strange, mais dans un rôle plus humain, il déboîte. Il déboîte, franchement. Et Drunk, du coup, chaque perso est ultra, ultra touchant dans le quatuor de tête, en tout cas, et même les persos secondaires, les élèves, la femme de Mikkelsen. Tout est vraiment très bon. Et ouais, Drunk, c'est une petite claque. Tu parlais du coup des rôles de Mikkelsen. Il y en a un qui ne cite pas beaucoup, pourtant que j'ai beaucoup aimé dans le cinéma français, dans le film Coco Chanel et Igor Stravinsky, réalisé par Ian Kounen. C'est un film que je sais pas du tout. Ah si, c'est bon, je sais comment je suis tombé dessus. C'était sur un. En fait, c'est Wild Side qui édite le DVD, et du coup, il y avait une pub avant le film, avant un film que je matais donc chez Wild Side pour ce film-là. Et donc, ça m'a donné envie de le voir, je l'ai vu, et c'est vraiment un très bon film, je vous le conseille, Coco et Igor. Drame français historique, très très cool. Donc, Drunk, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai vu là, j'ai fini la séance il y a à peu près une heure et demie. C'est très cool, encore une fois, les acteurs sont vraiment excellents et ça réussit à partir dans plusieurs genres différents, plusieurs registres. Ça commence avec du drame, enfin non, ça commence avec de la comédie et vraiment de la très très très bonne comédie. Je me suis vraiment fendu la poire, limite j'avais mal aux joues à force de sourire. La scène où il y a des vidéos de politiciens qui sont bourrés, ça m'a littéralement achevé. Je pouvais presque plus respirer. Quant à Sarkozy, je fais « Vous avez des questions ?» Sarkozy, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. C'est incroyable. Et du coup, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup fait rire. Puis après, c'est pas dans une partie drame qui, là, tu rigoles un petit peu moins. Mais ça reste très cohérent, encore une fois. Épée de Damoclès, c'est un truc que tu sentais que ça allait arriver. Dès que ça parle d'alcool, tu savais que ça allait arriver. Et après, ça parle dans une toute dernière partie qui est beaucoup plus feel good, que j'ai beaucoup apprécié aussi. La fin du film, je la trouve très très cool, très très belle. Encore une fois, le film est vachement, vachement sympa. C'est vraiment exactement ça, l'alcool, en fait. Au début, tu peux en prendre, voilà. Mais en prendre de plus en plus, ça entraîne une dépendance. Et Dieu merci, je ne suis pas dépendant de l'alcool. L'humour de Gabouret, c'est un des trucs qui me fait le plus rire, je crois. C'est un peu la corde sensible. Donc ouais, le film est très, très, très drôle. À ton tour, Hugo. Le saviez-vous, Ulysse aime l'alcool. Enfin bref. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. En tout cas, dans mon top à moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Je ne sais pas si ça l'est objectivement, mais voilà. Roman, t'as oublié de citer un personnage quand tu dis qu'il était touchant. On parle pas assez de Binoclar. Binoclar, il m'a fait pleurer à la fin, mais... Quand il commence à chanter, mais j'étais en mode ah, et du coup, c'est vrai que ça c'est feel good et tout, mais je vois pas ce qui m'a, ce que j'ai, ce qui, pardon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y a pas de côté moralisateur, je trouve. C'est-à-dire que on te dit pas, regardez, ce qu'ils font, c'est mal, mais ça te laisse vraiment une interprétation, et ça j'ai beaucoup aimé. Mads Mikkelsen, moi, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que de par son physique, on se dit, lui, il a une gueule de méchant. Et du coup, dans le cinéma américain, il est pas hyper bien exploité, mais bref. Vinterberg, moi, j'ai vu que Festen. Et donc, quand tu vois les sujets qui sont abordés dans Festen, tu te dis, oui, quand même. C'est vrai que là, l'alcool, ça paraissait un peu léger, mais finalement, ça part quand même assez loin, je trouve. Même si ça aurait pu être pire. Et la scène finale est magnifique, je trouve. La musique, je l'ai eu dans la tête pendant 3 jours. Je l'ai encore dans la tête. Ah, mais oui, c'est compréhensible. Si tu fais finir le film à 1 heure, oui, c'est oui. compréhensible. Mais, je me suis demandé d'ailleurs si c'était un cascadeur ou si c'était vraiment Mads Mikkelsen qui faisait tout le tour et tout, un peu les cascades. Et j'ai eu des frissons tout le long parce que vraiment, c'est incroyable. Allez voir ce film, c'est super bien réalisé. La BO est sublime. Et franchement, je trouve que ça m'a mis très bien le propos sur l'alcool. Mais ne savais-tu pas que Mads Mikkelsen était un très très bon cascadeur? Non, mais ce que je veux dire, voilà. Encore une fois, quand tu parles de côté moralisateur, c'est pas côté moralisateur, mais le film, c'est un message en mode « Eh les gars, l'alcool, c'est trop cool, mais faut pas en abuser. » Et ouais, c'est vrai, parce que l'alcool, quand ils en consomment de manière pas trop excessive, c'est toujours montré comme quelque chose de bon. Enfin, ça l'aide à prendre confiance en lui, ça l'aide à devenir quelque chose de bien. Par contre, chacun des personnages va avoir une manière différente de réagir à l'alcool. Il y a Mads Mikkelsen qui va juste l'utiliser de manière très, très, comment dire, consciente et réglementée. Tu vois, il va bien suivre les règles. Genre, il va s'arrêter de boire à 20h, etc. Il y a l'autre, le prof de sport, totalement accro, qui va devenir vraiment un alcoolique. Avec la scène notamment où il boit en plein milieu de son cours de foot, ça m'a fait mourir de rire. Et l'autre aussi qui va juste être un mélange entre le prof de sport et Mads, donc qui va boire normalement, mais qui veut quand même pousser un peu le bouchon, quoi. Et qui va faire boire son élève aussi. Ouais, ouais, mais lui c'est un bon gars au final, j'aime beaucoup. Il dit, oui, c'est un bon gars, il a des bonnes intentions et tout, mais genre. Le mec, il est quand même en aura, et il dit « Tiens, bois un peu d'eau », alors qu'il sait très bien que c'est pas de l'eau dans la bouteille. Pour toi la gueule, Yodins. Alors, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le film? Ouais, moi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et c'est à consommer avec modération. Merci beaucoup, Roman. Merci. On peut passer sur TF1 maintenant. Ouais, c'est clair. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est un petit peu approcher le micro de ta bouche. Oui. C'est vrai qu'on t'entend très peu, Roman. Je disais que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Peut-être que tu... Ouais, voilà. Non, j'essaie d'augmenter un peu ton son au montage. Au montage, bien sûr. Ouais. J'aurais du montage. Alors, après, moi, les films que j'ai vus ce mois-ci, ça s'arrête là. Enfin, j'ai vu aussi Lux Eterna qui est sorti au début d'année, mais il n'est plus en salle. Oh. Donc, je suis pas d'accord. Ah oui, mais dans quelques salles encore. Moi, par exemple, il est plus du tout à Orléans, quoi. Si on peut parler de l'Eternel, je suis preneur, évidemment. Ouais, mais... C'est sorti. On est déjà à 26 minutes et on a encore 2 parties à faire. Vas-y. Je vous laisse, du coup, Roman et Hugo, parler des films que vous avez vus ce mois-ci, pendant que moi, je vais faire du tricot. Très bien, et bah écoute, va faire ton tricot. Moi j'aimerais bien qu'on parle de 30 jours max. Bien, ça nous fera 35 euros, s'il vous plaît. Venez vite, il y a une prise d'otage. Laissez-moi faire, commissaire. Lève ton arme. Arrête-toi. Donc 30 jours max, déjà, ça raconte l'histoire d'un jeune policier qui s'appelle Ryan, qui est joué par Tarek Boudali, qui, en gros, c'est pas le policier idéal, quoi. Il a peur de tout, il n'est pas doué, il est maladroit. Et d'un coup, il y a un médecin qui lui dit « bah, vous avez plus que 30 jours, vous mourrez dans 30 jours, maximum. » Et du coup, il se dit « Bon, bah, dans tous les cas, je vais mourir, autant oublier mes peurs et devenir le flic modèle, le héros, quoi. » J'y suis allé sans espérer. Déjà, j'avais aucun espoir sur ce film. Et ce qui est fort, c'est qu'il a quand même réussi à me décevoir. C'est-à-dire que les vannes, c'est fait et refait. C'est un humour qui... On en a vu mais mille fois ce genre d'humour. La salle, au début, j'étais surpris. Je vois que la moitié, c'est des enfants de 10 ans ou moins. J'étais, mais pourquoi? Et en fait, ça s'est vérifié parce que pendant le film, c'est eux qui ont rigolé. Donc, franchement, j'ai même pas envie de commenter parce qu'il n'y a rien qui va. Enfin, Je sais pas si Roman sera d'accord, mais moi je trouve qu'il y a rien qui va. Si je devais sauver un truc, c'est peut-être la performance de José Garcia, qui franchement est plutôt charismatique. Mais sinon, il y a rien qui va, quoi. Il y a plein d'acteurs que je trouve en surjeu, genre Philippe Lachaud, je le trouve en surjeu. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis réconcilié avec Vanessa Guide. La dernière fois que j'ai vu, c'était Le Manoir et j'avais très peu apprécié sa performance. Mais du coup, là, voilà, bref. Roman, je te laisse enchaîner. Mais pour moi, c'est vraiment une vraie daube. Alors, j'ai trouvé ça moins drôle qu'un documentaire sur la Shoah. je pense que ça résume à peu près mon point de vue quand une comédie est moins drôle qu'un doc sur la Shoah. C'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas grand chose à sauver, disons. Oh la vache. Alors, et donc, ouais, 30 jours max, c'est pas bien, mais genre pas bien du tout. Et ils te sortent des vannes, mais c'est même pas que c'est pas drôle, c'est que jamais dans ta tête tu te dis que ça peut être drôle dans quelconque situation. Et ouais, je comprends pas. Enfin, je sais que c'est un peu la. C'est une formule à la Besson. C'est ce que faisait Besson avec EuropaCorp, en fait. C'est que il fait c'est un film ultra bankable pour ensuite amasser de la thune et faire des projets plus personnels derrière. Mais Je pense pas. Ah si. Si si. Moi, mon point de vue, c'est que Tarek Boudali est juste moins bon que Philippe Lachaud à la réalisation, quoi, et au scénario. C'est tout. J'ai vu aucun film de Lachaud et aucun film de Boudali, donc voilà, je peux pas dire. Nicky Larson, c'est très bien. Ça veut dire que tu admets que Philippe Lachaud est un bon réalisateur, est un bon metteur en scène, est un bon scénariste. J'ai pas dit, en aucun cas, j'ai dit ça. Même si j'avoue que il y a des films. Enfin, il y a deux de ces films, Babysitting et Nicky Larson, où j'ai passé un très bon moment. Après, c'est pas. Voilà quoi. C'est pas ce qui se fait mieux, mais c'est déjà mieux que 30 jours max. De toute façon, c'est pas compliqué. Enfin, moi, clairement, à ce jour, c'est le pire film que j'ai vu de l'année. Voilà, je le dis. The Grudge, quand même. J'ai pas vu The Grudge. Moi, pour le coup, Brutus versus César, ça m'a fait un peu le même effet, c'est-à-dire ne pas rire du tout. Enfin, genre, à chaque fois que j'ai rigolé, c'est vraiment parce que le film me mettait. J'ai rigolé, je crois, deux fois. Une fois, c'est parce que juste, mais putain, c'est quoi cette merde ? Et la deuxième fois, c'est parce que j'étais à bout et je fais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que j'aurais maté ? Au moins, tu vas rigoler. T'as pas rigolé quand ils ont dit soirée compote ? Alors, non, j'ai pas rigolé, mais franchement. C'est quand même la meilleure vanne du film. Alors on est d'accord, c'est de l'humour, qualité Leader Price. Hein, voilà. Ouais, j'aimerais rajouter une dernière chose pour appuyer mon point de vue. C'est le premier film, je crois, dans ma vie, où j'hésitais à dire à mon pote, viens, on se casse. Voilà. Bon, est-ce que Roman ou Hugo a quelque chose à rajouter sur ce chef-d'œuvre du cinéma français qui est 30 jours max ? C'est de la merde. J'ai demandé à ce qu'ils crèvent les yeux avant le film. Ils n'ont pas voulu pour des raisons pénales, je ne comprends pas. Mais donc j'ai passé un très mauvais moment. Ok. Bon. Quel autre film dont on pourrait parler ? Bah, je vous laisse encore la main parce que moi j'ai épuisé mon stock de films vu ce mois-ci. Vous voyez, j'ai pas de carte UGC limitée comme certains d'entre vous qui sont des gros enfoirés. Oh, je vois pas que tu parles. En vrai, en commun, on a juste Miss qu'on a vu tous les deux. Un Miss ? Parlons de Miss. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans ! Je vais faire Miss France. C'est garçon. Bah ouais, voilà, garçon. C'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi ? À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Miss, c'est très bien, je suis d'accord. Je te laisse commencer, du coup. Bah, du coup, Miss, ça raconte l'histoire de Alex, un jeune homme qui, depuis qu'il est tout petit, a envie de se présenter au concours de Miss France. Et donc, avec l'aide d'une galerie de personnages... varié, pour le moins, on va dire. Varié. Entre les couturières, je ne sais pas ce qu'elles sont, si elles sont indiennes ou bangladaises, je crois, je ne sais pas. Bref, d'origine entre eux, entre les deux dealers, dont un qui est joué par Sams, qui est un rappeur-acteur qu'on a vu dans Validé, qu'on a vu dans La Vie scolaire. Quel est son nom, tu m'as dit? Le Renoir, Sams. Enfin, l'acteur, le rappeur, c'est Sams. Ah non. Peut-être que c'est son surnom, mais son vrai nom, c'est Moussa Mansali, ça c'est sûr. Oui, oui, son nom de rappeur, c'est Sams. Bref, ok, je l'ignorais, autant pour moi. Ok, donc là, l'espèce de taulière jouée par. Qui est magistrale. Ah oui. Comme dans T84, en fait, elle est géniale. 85. Et bien sûr la Travelo plutôt bois qui est génial aussi et tous sont géniaux et Miss c'est un excellent film ouais. Eh ben je suis entièrement d'accord avec toi. Je l'ai vu dans un contexte assez spécial. C'est-à-dire que je l'ai vu le jour de sa sortie. Et donc, c'était les premières séances MK2 à 8h. Et en début de séance, on avait l'acteur principal, Alexandre Dometer, et le réalisateur Ruben Alves. D'ailleurs, petit mot sur Ruben Alves, son premier film, c'était La Cage Dorée. Miss, c'est seulement son deuxième long-métrage. Regardez La Cage Dorée, c'est formidable. Mais c'est assez anecdotique, leur présence. Ils sont vraiment restés 5 minutes au début, histoire de présenter le film. Mais... j'étais pas au bout de mes surprises parce que j'avais déjà la chance d'avoir Miss Corse dans la salle, à deux rangs devant moi. C'était pas une vanne, j'étais très étonné. Et devant moi, il y avait une dame qui, en gros, sa fille a écrit le scénario avec Ruben Alves. Et je trouve que le scénario, c'est quand même un des points forts du film parce qu'il y a des dialogues puissants, mais... vraiment incroyable, j'étais bouche bée, il y a des dialogues qui te font dire mais waouh, c'est bien écrit, c'est engagé, c'est puissant. Et franchement, je suis d'accord, ça joue bien. Et c'est Roman a beaucoup parlé d'Isabelle Nanty, et à juste titre, parce que même si Alexandre Wetter, dans le premier rôle, est excellent, pour moi, Isabelle Nanty bouffe tout le reste, et puis, mais c'est en partie grâce à l'écriture, parce que ses répliques... Chacune de ces répliques, tu les savoures. Elles sont incroyables. C'est des punchs, elle va te démonter le concours Miss France, te dire que, ouais, ça sert qu'à... En gros, je caricature, mais ça sert que les femmes deviennent un bout de viande et que tout le monde les regarde et que machin. Mais franchement, c'était une vraie révélation. Je pensais pas que j'allais autant aimer ce film. Même si, bon, il y a des défauts, évidemment. Ça peut pas être parfait, la réalisation n'est pas non plus exceptionnelle, même si franchement ça va. Mais c'est un film qui fait du bien et je pense que c'est un film qui peut faire évoluer les mentalités et je serais très content s'il marche. D'accord. Eh bien, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Miss ? Ou on peut enchaîner ? On peut enchaîner, ouais. D'accord, et eh bien à présent on va parler donc des top 3 des découvertes que nous avons fait ce mois-ci, c'est pas spécialement des films de 2020, des films de ce mois-ci. Comment ? J'ai peut-être deux films à ajouter juste, vu qu'on est en période d'Halloween. Ah. Deux films qui sont sortis, un qui est sorti il y a quelques jours et un qui sort demain, au moment où on enregistre. Donc vite fait parler de Petit Vampire et de The Craft. Donc Petit Vampire, c'est un film de Johan Sfar, Johan Sfar qui est un auteur de BD et un réalisateur et qui donc vient de sortir l'adaptation de sa BD Petit Vampire, qui est un film que tu peux emmener, où tu peux emmener voir ton petit frère et ce sera génial. C'est Donc ça raconte l'histoire de de petit vampire qui en a marre de vivre dans le même château avec les autres monstres et qui a envie de partir, sortir un peu dans la ville, voir le monde et voir d'autres enfants de son âge. Et donc c'est vraiment cool, c'est un bon divertissement pour les mômes, et même moi j'ai passé un plutôt bon moment devant. Et pour The Craft... Par rapport à Petit Vampire, à savoir que déjà j'aime beaucoup Yuan Sfar, j'aime beaucoup la BD Petit Vampire et la version pour les adultes, donc Grand Vampire, je sais pas si vous avez déjà mis la main dessus, mais c'est formidable. Vraiment, il a un dessin qui est splendide. Et il a aussi réalisé un autre film, adapté d'une de ses BD, encore une fois, c'est Le Chat du Rabbin. Et vous voyez, Le Chat du Rabbin, c'est très très bon. Voilà, je te laisse continuer, Roman. Et donc The Craft, que je suis sorti de la séance il y a à peu près 2 heures. Et The Craft, donc on y suit quatre lycéennes qui se révèlent être des sorcières et qui vont expérimenter du coup leur pouvoir de sorcière sur les personnes de leur lycée ou de leur famille. Et c'est très girl power comme film. Et c'était vraiment, vraiment cool. C'est le deuxième film de la réalisatrice. C'est produit par Blumhouse et j'aime beaucoup Blumhouse. Je parlais de Teen Store plus tôt, mais ils ont fait. Enfin, cette boîte a produit beaucoup de grands films. Ça me fait penser que j'ai vu Nocturne hier, qui est sorti. Donc, j'avais totalement zappé que j'avais vu ce film et qui était sorti ce mois-ci. Vas-y, finis avec The Craft et j'enchaînerai avec Nocturne vite fait. J'ai pas grand-chose à ajouter sur The Craft. Le beau-père de Lady Amin est joué par David Duchovny, l'acteur principal de X-Files. Ça faisait bizarre de le voir, il a pris un sacré coup de vieux quand même. La mère est jouée par Michelle Monaghan. Et l'actrice, alors je vais vous dire qui c'est. Donc le rôle principal. Si IMDb vient s'ouvrir. Lily, qui est jouée par Kaylee Spinney, qui avait joué dans Saltan à l'Hôtel Royal, dans Pacific Rim Uprising, dans Vice. Plutôt bonne actrice. C'est vrai, sympathique. Je remarque qu'elle a 3 ans de plus que moi, putain, je suis vieux. Alors. Nocturne, c'est un film Blumhouse aussi qui est sorti sur Amazon Prime. C'est un des 4 films qui étaient sortis, donc Welcome to the Blumhouse. Il y avait aussi donc Evil Eye, il y avait aussi Black Box, il y en avait un autre, je sais pas c'est lequel. The Lie. Ouais, ça a l'air vraiment pourri, The Lie, pour le coup. Mais Nocturne, du coup, ça parle du coup de sorcelle, d'une nana qui va faire un pacte avec le diable pour devenir une putain de pianiste. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Nocturne, déjà, on est sur une identité visuelle assez forte. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux. Le plan final va vous rester en tête beaucoup de temps. Moi, il m'a pas mal marqué. Enfin, je l'ai vu hier, mais je l'ai vraiment eu souvent en tête aujourd'hui. Le plan final va vous marquer. Ça joue bien. C'est très très cool. C'est un film assez épuré en fait. Il n'y a pas beaucoup d'effets gore. C'est pour ça que c'est de l'horreur, mais c'est pas de la grosse horreur quoi. À part une scène qui est. Une ou deux scènes qui sont. Où il y a un peu de sang quoi. Un film qui est très très intéressant et qui a une véritable descente aux enfers. Je vous conseille de mater Nocturne si vous avez un abonnement à Amazon. Ou alors si jamais juste vous aimez regarder des films illégalement, ça, on va pas vous blâmer. Donc voilà. On va du coup enchaîner sur le top 3 des découvertes que nous avons fait ce mois-ci. Et je vais laisser Hugo commencer. Alors, top 3, moi, ce mois-ci, le film que j'ai préféré rattraper, c'est Climax de Gaspard Noé. Voilà. C'était. En troisième position, la Climax, donc. Ah non! Ah, bah, faut faire première. Ça dans l'ordre, hein. Prends devant. Ok. Prends devant. Eh, hey, là, t'as spoilé le premier, enfoiré. Ah, bah, du coup, prends le montage. C'est parti, alors, on refait. Non. Donc, le top 3. Non, vas-y. Je recommence. Oui, du coup, le premier film que j'ai rattrapé grâce aux séances du GC, c'est Drive de Nicolas Winding Refn. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est le deuxième film que je vois de lui après The Nine Demon. Et je trouve qu'il y a tellement cette volonté de faire un truc esthétique qui, pour en avoir parlé avec des amis à moi, a dérangé certains, mais moi je trouve que c'est vraiment un vrai point fort de ces films. C'est visuellement, c'est magnifique. À la fin de la séance, j'ai quelqu'un dans la salle qui a dit c'est un peu du Tarantino en plus sérieux, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est pas faux. C'est franchement pas faux. Ryan Gosling, je sais pas quoi penser de ta performance, pour être honnête. Il joue pas. Ouais. Quelle performance. Ouais. Ouais. Ok, on est... Ouais, je sais pas. Je trouve un peu dur, mais c'est pas fou. Il a pas de performance dans ce film, Gosling. Oui. On t'entend pas, Roman. On t'entend pas. C'est 20, Ryan Gosling, d'accord. Il joue pas. C'est une statue. C'est pas une statue. Attends, une statue, c'est expressif. Mais quel enfoiré. Non, vous êtes dur. Non, il joue pas extrêmement bien, mais... Oh, vous êtes dur. Non. Alors, j'ai vraiment pas aimé Drive. Je trouve le film chiant. Je trouve le film... Oh, je suis pas là. Je regarde le... Je trouve le film vraiment pas terrible et ultra surcoté. Non, mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce que les gens trouvent à ce film. Esthétiquement. Oui, la musique au début, oui. C'est le meilleur truc du film, la musique de Kavinsky. On est désolé. Voilà. Non, non. Non, c'est sympathique. Je vais pas spoil, mais la scène, tu pourras couper au montage. Pour ceux qui n'ont pas vu, ça gâche. Après, ceux qui n'ont pas vu, c'est un film classique et vous devez l'avoir vu si vous êtes un minimum cinéphile. Vous n'êtes pas cinéphile si vous n'avez pas vu le Drive. Je me solidarise de ces propos. Vraiment. Moi aussi. Bref, non, mais la scène où elle se fait exploser la gueule au shotgun, c'était magistral quand même. Je préférais la scène avec le petit marteau. Oui. Et j'ai cru qu'il allait faire une All Boy. Oui, voilà, ouais. Ça, je pensais aussi à ça. En fait, tu m'as coupé la parole, mais je voulais dire, c'est mon petit côté fan de Hellboy. C'est mon deuxième film, en plus. Quoi Non, il a spoilé l'enfoiré. Vas-y, je te laisse enchaîner, sauf si Roman a encore envie de cracher son venin sur Drive, et je le comprends totalement. Très bien, Roman, allez. Il bah, a déclaré, on peut enchaîner. Regardez Drive, malgré la vie des deux personnes qui partagent ce podcast. Alors, du coup, bah, le deuxième film, c'est All Boy de Park Chan-wook, évidemment. Je l'ai vu, c'était ma première séance au Max Linder. Il le repassait en... C'est une putain de pépite, ce film. En 35 mm, je l'ai vu, c'était génial. Franchement... Qu'est-ce que c'est? C'est All Boy, bon, pour ceux qui connaissent pas, même si c'est relativement quand même assez connu, je pense. C'est l'histoire d'un homme... Qui se fait séquestrer pendant 15 ans. Et quand il sort, il va chercher à retrouver la personne qui l'a séquestré et surtout à savoir pourquoi. Et franchement, ce qui m'a le plus bluffé, je pense, c'est la réalisation. Elle est folle. J'ai la scène, la scène notamment où il filme, où il sort du bureau du mec qui l'a gardé. Et où il y a tous les gardes dans le couloir. Et oui, là, c'est un plan séquence, elle est ultra connue. Oui. Et ça a beau être ultra connu, enfin, c'est justifié, c'est incroyable. Ouais, ouais. Et là où il y a un petit bémol, je trouve, mais après, c'est pas. Enfin, c'est juste moi, c'est que sans spoiler, le twist, je l'ai vu venir. Ça ? Ah ouais. Ah non, non, pas du tout. Bon, je dis ça en off, tu couperas. Non, mais s'ils ont pas vu, c'est leur problème. Hein, le boy. Ah, non, faut pas spoiler, c'est pas bien. Ok, dis-nous ça en off, je couperai. Il va pas couper. le rapport à l'hypnose je l'avais pas vu venir. Par contre, ce qui est influencé par l'hypnose, je l'avais vu venir. Voilà, ça spoile pas trop. Et bon, en vrai, c'est à peu près tout. Hein. Franchement, c'est juste une putain de claque. En salle, c'est encore mieux. En 35 mm, c'est encore mieux. Et voilà. Man, est-ce que tu as des choses à dire sur Old Boy? Pas vraiment, dans le sens où j'ai vu Old Boy, je l'ai vu, je devais avoir peut-être 14 ans. Donc ça remonte déjà à il y a 5 ans. T'es vieux. Et donc, j'ai pas énormément de souvenirs du film. Je me souviens l'avoir beaucoup aimé. Mais à part ça, bof, il faudrait que je le revoie surtout. 14 ans, c'est jeune pour Old Boy, je trouve. Bah, moi, le film m'a vraiment mis ultra mal. La fin, je l'ai trouvé atroce. Ah oui, c'est clair. Ah, mais totalement. 14 ans, c'était un câble. Non, franchement, en vrai, c'est plus dans le... Visuellement, il n'y a rien de... Enfin, si, quand même. C'est vrai que visuellement, il y a des choses qui peuvent marquer, mais je pense que c'est plus le twist qui te met mal et qui instaure un peu un truc glauque, quoi. Je sens que quand je l'ai vu la première fois, j'ai dû m'arrêter dans le film et rechercher sur Google pour savoir s'il avait vraiment bouffé un putain de poulpe vivant. Ah oui, ça m'a dégoûté, ça. Il l'a fait. Au Japon, ça se faisait, on peut bouffer des trucs vivants, comme ça, c'est un plat. J'avais pas besoin de ça par ça, tu vois. Du coup, est-ce qu'il est encore vivant quand il est en toi? Ça doit fatouiller un peu. On va passer à mon top 1. non, juste petite intervention, parce que je viens d'aller checker les chiffres de 30 jours max au box-office. Oula. C'est déjà 890 000 entrées. Oula. Oula. Oula. Voilà. Okay. Ne faites pas comme ces 890 000 personnes, ne faites pas la même erreur, je vous en supplie. Et parmi les 890 000 personnes, il y en a deux qui sont en train de participer à ce putain de... Il y en a deux qui regrettent amèrement. Il n'est pas trop tard pour sauver les yeux, les gens, si vous voulez. Exactement. On a testé pour vous. Nous, on a un peu crash test. Ne reproduisez pas ça chez vous. Nous sommes des spécialistes. C'est pour aller dans Jackass, là. Exactement. Hey, it's Jane of Bill, and welcome to Jackass. So today, we're gonna watch 30 jours max. Les cascades de... Ce film sont réalisés par des professionnels. Oh non, c'est Tarek Boudali qui a fait ses cascades quand même. Ouais. Non, mais je parlais du fait de voir le film. Oui, je sais, mais... Non, mais je disais ça par rapport au fait qu'il le dit dans toutes les interviews comme si c'était la seule chose de bien qu'il y avait dans le film. Ah non! Bref, on va passer à mon top 1. Du coup, le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci, d'une manière totalement subjective, bien sûr, parce que objectivement, je pense que le boy est au-dessus. Mais c'est Climax de Gaspard Noé. Donc, est-ce qu'on peut éviter de laisser parler Roman okay. pendant qu'on parle de Climax, parce qu'il va encore pourrir le film, cet enfoiré? Je suis d'accord. Du coup, Climax de Gaspard Noé, ça raconte l'histoire d'une troupe de danse qui se regroupe dans un endroit un peu isolé. Il fait très neige. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Du coup, c'est très compliqué, voire impossible de se barrer. Et en gros, la répétition se passe, et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal avec la sangria. Genre, il y a un peu de drogue dedans, et du coup, ils sont tous défoncés. Et du coup, ça va partir genre en steak, mais vraiment total. Voilà. Ouais, c'est ça, même chez les femmes, ouais. Mais je vais essayer d'être bref parce que on est déjà à 52 minutes de podcast. Ah, mais même, c'est surtout que j'aime Gaspard Noé de tout mon cœur, donc je pourrais déborder. Non, point positif, comme d'habitude, la réalisation de Gaspard Noé. Mais je trouve même plus quoi dire, parce que à chaque fois j'aime tellement que ça me fait fermer ma bouche, j'ai même pas la force d'analyser. Les chorégraphies spécificités par rapport aux autres films de Gaspard Noé, je les trouve quand même ultra travaillées. Et je sais pas s'il y a des danseurs Oui, c'est des danseurs. Ah, tous? Presque tous. Ok, je savais pas, intéressant. Et je voudrais parler d'un monsieur qui évolue un peu dans l'ombre de Gaspard Noé, qui s'appelle Benoît Deby, qui est son chef-op, et qui fait des photographies, mais je sais pas les mots, c'est trop beau les photographies de Benoît Deby, c'est magnifique. Il arrive à chaque fois à créer des univers qui lui sont propres, et franchement, c'est pas un film qui va faire peur à proprement parler, ça va plus s'instaurer un malaise et une tension permanente, en fait. Et ça pète dans tous les sens, et j'allais dire que limite on savoure les événements, mais on ne les savoure pas parce que c'est horrible. Mais franchement, vous voyez Climax, c'est une très belle découverte, et en plus, comme c'est dit au début du film, c'est un film français fier de l'être. Oui. Alors, Roman, as-tu quelque chose à dire sur Climax? Merci Roman, alors du coup... Non, Roman s'est mis... Ah, ok, il arrive. Rien sur ce film, c'est une merde. Mais monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît. Le saviez-vous, nous avons une culture. Ouais. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup, beaucoup Gaspard Noé aussi. C'est un de mes acteurs favoris. Et ouais, Climax, je sais pas si c'est son meilleur film, mais en tout cas, ça en fait partie. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. C'est dingue, vraiment. Je vais pas trop en parler. Et par contre, vu qu'on n'entend pas beaucoup parler de Roman pendant ce podcast, je propose que ce soit lui qui nous donne son top 3. On entend bien là ? Oui, ça va. Ouf. Okay, ça va. Alors, en numéro 3, je vais mettre le Rocky Horror Picture Show. Ah. Alors, est-ce que tu peux éviter de parler beaucoup du Rocky Horror Picture Show vu que bah, je vais en parler plus tard ? D'accord, ouais. Je vais parler après quand je parlerai, mais voilà, c'est juste pour ça. Donc, attends, j'ai pas du tout les infos sur le film là. Je sais qu'il est sorti en 77, il me semble. Attends. Donc c'est un film sorti en 75 et réalisé par Tim Sharman. C'est pas plutôt avec les rôles principaux, entre autres Tim Curry et Susan Sarandon. Tim Curry qui est le meilleur ça, niquez-vous. Non, t'es fou. D'accord, je suis d'accord. Je trouve que Bill Skarsgård il fait pas assez clown. Quoi ? Ah non, je suis vraiment pas d'accord. Flippant à quel moment des gosses à quel moment Georgie il reste ne serait-ce qu'une demi seconde devant lui, sérieusement. Mais t'es donc il est flippant, donc c'est réussi. Mais oui, mais oui, c'est il pas est un flippant, coup. Mais c'est pas le but en fait, parce que tu vois Bill Skarsgård dans un cirque, tu dis lui c'est pas un clown. Tu vois Tim Curry dans un cirque, tu dis lui c'est un clown. Vous avez lu le roman de Stephen King? Ouais, ok, comment doit être le clown? Il doit être un clown. Tu peux continuer. Tu peux continuer, Roman. Donc, le Rocky Horror, on y suit l'histoire d'un couple qui tombe en panne sur la route et qui se retrouve du coup dans un château. Où se déroule un show, donc le Rocky Horror Picture Show, qui est spécial. Pour rien révéler du film, on va dire qu'il est spécial. Donc c'est une comédie musicale et j'aime les comédies musicales. C'est trop bien les comédies musicales. Et la chanson qui a introduit Tim Curry, oh bordel de cul. Non mais les musiques de ce film, elles sont géniales. D'ailleurs, si vous voulez, aujourd'hui, il y a Tenacious D qui a sorti un cover de Time Warp qui est génial. Mais je crois que je connais toutes les chansons de ce film par cœur. Je l'ai vu beaucoup de fois. C'est un de mes films préférés. Et donc, je ne vais pas révéler grand-chose parce que le but du film, c'est justement les surprises et tout ce qui arrive à faire en surprenant le spectateur avec les retournements de situation et les nombreux personnages qu'on va qualifier de années 70. Et je vais passer au numéro 2 pour pas en révéler plus. Merci beaucoup. Donc en numéro 2, ce sera Bloody Bird de Michele Soavi. Oh oui, oui ouais. Excusez-moi, dès qu'on dit Bloody Bird, je jouis. Laisse-le au montage. En live, yes. donc Bloody Bird de Michele Soavi raconte l'histoire d'une troupe de danseurs. Comme c'est pas une troupe de danseurs, c'est une troupe de théâtre. Ouais, mais ils dansent. C'est pas faux. Ils dansent aussi. C'est une troupe de théâtre, mais qui danse. Il se trouve que un meurtre va être commis au sein même du théâtre, mais que personne ne peut s'en échapper. Parce que la personne qui se fait tuer, c'est la personne qui a caché la clé. Donc, personne ne peut sortir du théâtre. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Et ai-je précisé que le tueur a une tête... alors, selon le film, c'est une tête d'aigle. C'est clairement une chouette. Oui, c'est une chouette. C'est une putain de chouette. Écoute, la VF dit que c'est une tête d'aigle. Alors, voilà. Ah, puis regardé en VF. J'ai regardé en VF, ouais. J'ai pas regardé en VF, mais clairement, il me semble que dans la VO, il parle de tête d'oiseau, pas de tête d'aigle. La VF, c'est pas bien. Non, la VF, c'est très bien. Ta gueule, Hugo. C'est trop bien, la VF. Mais du coup, elle vaut quoi, la VF de Bloody Bird? La VF de Bloody Bird, alors je suis déçu que les traducteurs, rien que pour le fun, aient pas rajouté un taillot à la scène où la meuf court, le bras tendu avec la clé dans la main. Mais non, clairement, on part sur quelque chose de très qualitatif avec Bloody Bird. C'est donc un slasher des années 80. Pour moi, c'est mon slasher favori avec Opéra. Et j'aime énormément les slashers des années 80. Le sachez-vous. J'aime oui, j'ai Carpenter aussi. Ah, oui. Ouais, ça tombe un peu en dérision aussi le côté des tueurs masqués avec toujours les masques. On a Jason, tu vois, le doute qui vient en tête là des tueurs masqués. Ouais, Martin Saint-Valentin aussi. Oui. Et du coup, on a ce mec en aigle. Bah vas-y. Non mais En tueur masqué, t'as oublié de parler de Oussama Ben Laden, je suis très déçu. Elle est technique celle-là. Bah il est venu après. Mais non, du coup Bloody Bird, excellente surprise. Des meurtres extrêmement bien mis en scène. C'est pour ça qu'on regarde un slasher, c'est pour les meurtres. Et les meurtres sont tellement jouissifs dans ce film. C'est incroyable. Oh, mais oui, mais je suis d'accord, ils sont géniaux. Mais oui. Attends, quand t'as le truc qui se ramène avec une putain de tronçonneuse, tu sais que tu vas prendre ton pied, hein. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais les slashers? Ah bah dis-moi que t'aimes les slashers encore une fois, parce que je crois que j'ai pas compris. Tu sais quoi? J'aime les slashers. Et donc oui, quand ça ramène la tronçonneuse, tu sais que ça va pas découper que du saucisson. Et c'est pour ça que c'est génial. J'adore Bloody Bird. C'est une grosse claquasse. Et l'actrice, la Scream Queen, est ouf aussi. Et tout est ouf dans ce film. La mise en scène avec du coup le tueur qui refait une sorte de mise en scène théâtrale avec les corps sur la scène et les plumes qui volent. C'est magnifique. Ouais. Petit point noir, par contre, dans Bloody Bird, je trouve que la deuxième fin, enfin genre la fin après que ce soit la fin, elle tombe un peu à l'eau. Quand elle retourne pour rechercher sa bague, je trouve que ça tombe un peu à l'eau. Ouais. Et donc le numéro 1 ? Le numéro 1, c'est un film que j'ai découvert sur Shadows. Et c'est le film Bad Match. J'ai pas encore lu ta critique que t'as postée sur ton Instagram. D'ailleurs, suivez Roman sur Instagram. Mais je la lirai ce soir, je pense, avant de me coucher. Alors, Bad Match, ça raconte l'histoire de Harris, un mec qui a une bonne situation, plutôt beau gosse, beau métier, bel appart. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. et qui a une passion dans la vie, c'est-à-dire niquer chaque meuf qu'il rencontre sur les applis de rencontre. C'est un mec Connor. Okay, déjà, horreur. Déjà, son prénom, c'est le nom d'une marque de pain. Oui. Et en plus... est-ce qu'on peut dire qu'il aime prendre les filles en sandwich? Oh. Et un jour, il va tomber sur Riley, qui est la meuf qu'il fallait pas. C'est-à-dire la meuf qui rêve du grand amour, alors que Harris, lui, il veut juste rêver d'un gros plan cul. T'as dit quoi? Tremper la biscotte. Il veut tremper la biscotte, le petit pain de mie, c'est ça. Et en fait, Riley va commencer à agir bizarrement. Elle va le harceler de messages, d'appels. Elle va s'introduire par effraction chez lui. Elle va éteindre son réveil avant qu'il aille bosser pour qu'elle arrive en retard. Bref, la meuf qu'on veut tous. Et dit-il alors que clairement, il est à côté. Ouais, mais est-ce qu'elle lui a craché dans la bouche? Je crois pas. Dommage. Et la vie de Harris va commencer à déconner, c'est-à-dire que il va se faire pirater son ordinateur et son compte Twitter. Compte Twitter où il est le community manager de sa boîte, donc il va se faire virer. Et ordinateur où les flics vont retrouver, je crois, 5 gigas de pornographie infantile. Ah oh, bon. Eh ben dis donc, Harris... Le genre idéal. Et donc, on peut dire que Harris aime les pains au lait. Oh putain. Et donc il va, lui il est persuadé que c'est Riley qui a fait ça, et donc il va tout faire pour qu'elle avoue, sinon c'est la prison ou c'est 100 000 balles d'amende. Voilà. Waouh. Bah, il me tente un peu, j'irai le voir, sûrement. Il est excellent. Franchement, okay. Je pense qu'il est excellent. Ok, ça marche. Bon. Et bah, du coup, ton top 3, Ulysse? Alors, en troisième position, j'ai beaucoup hésité entre From Beyond de Stuart Gordon et Dreamscape de Joseph Ruben. C'est bien Stuart Gordon. Oh, putain, c'est incroyable Stuart Gordon. Et pour le coup, je sais toujours pas, du coup, je vais très vite parler des deux. From Beyond, c'est du gore, c'est génial, et surtout, c'est des effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, mais qui sont toujours très efficaces et qui ont ce petit côté cheesy, comme aime bien le dire Roman. Et il y a une scène qui fait que vous devez absolument voir ce film. Clairement, juste la scène où on voit Ken Forey sauter sur un alien ou un démon alors qu'il est en slip rouge. Je suis désolé, mais vous devez voir ce film. Du coup, Dreamscape, c'était une petite surprise. Je l'ai découvert aussi sur Shadows et c'est très cool. Dreamscape, en gros, c'est Interstellar, sauf que vu qu'on n'a pas Nolan à la barre, eh ben, on a des vrais rêves, pas juste Hôtel Ibis. Eh ben, c'est bien, vu qu'on a pas Nolan à la barre, eh ben, c'est bien. Pas faux. Et pour le coup, c'est vraiment très cool parce qu'il y a des effets qui sont très sympas, genre du stop motion, et tu me dis stop motion et mon anus se dilate. Et surtout, les effets sont très cool, un petit peu ratés des fois, notamment une tête d'homme serpent qui est un petit peu dégueulasse. Et beaucoup de trucs que j'aime beaucoup. Et pour le coup, Dreamscape, c'est vraiment très cool. Et surtout, il y a des moments qui sont réellement très drôles. Notamment quand ils vont dans le rêve d'un mec qui pense que sa femme est infidèle. Cette scène me fait vraiment rire. Ensuite, en deuxième position. Juste. J'aime beaucoup cette musique. Donc, In the Mouth of Madness, ou donc L'Antre de la Folie de John Carpenter. C'est un super film. Oui, voilà. J'ai vu quand t'as mis la musique. L'Antre de la Folie de John Carpenter, qui fait pour moi partie des meilleurs films de John Carpenter avec The Thing. C'est une putain de dinguerie, c'est l'histoire. Oh merde. Oui, mais c'était le début aussi, ça partait pas en mode métal. Parce que cette musique, et la musique du film, elle est dingue. Attendez, je vais essayer de vous mettre le moment où ça part en mode métal. Oh yeah. Donc, voilà. J'avais cité Stuart Gordon juste avant. Il faut savoir que Stuart Gordon fait beaucoup de films qui sont très très inspirés des œuvres de Lovecraft. Et L'Antre de la Folie, c'est très très très très très Lovecraftien. Et c'est pas pour me déplaire. Donc on a tout ce côté folie, de ce petit côté écrivain aussi, qui peut être Lovecraft ou qui peut être King. Tout ce côté vraiment grands anciens. Il y a clairement les grands anciens dans ce film. Si vous ne connaissez pas Lovecraft, quand je vous dis grands anciens, ça ne doit pas vous parler. Donc, Cthulhu, Yoxotot et tout. Ça, c'est des grands anciens. Et voilà. Et vraiment, c'est excellentissime. In the Mouth of Madness. Déjà, on a une performance de Sam Neill qui est stratosphérique. Elle est géniale, sa performance. Il est possédé. Ah, clairement, oui. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage totalement taré. Le film a aussi... comment expliquer ? Simplement, une partouze entre Lovecraft, Carpenter et le dealer du coin qui avait beaucoup trop de LSD. Et c'est incroyable, vraiment. On est dans un trip psycho, ultra glauque, avec des effets pratiques qui sont incroyables, des maquillages qui sont vachement cool. Et surtout, vraiment, t'as une scène où t'as un mur de marionnettes qui sont activés par des trentaines de marionnettistes et qui foncent vers le héros. Et le plan apparaît que 5 secondes, même pas 5 secondes, 3 secondes. 3 secondes pour ça, tu te dis, putain, le boulot du truc, quoi. C'est incroyable, c'est génial, vraiment L'Antre de la Folie. J'adore ce film. Et en première position, on a un film que j'ai regardé en mode YOLO. Ça va être du bon gros divertissement, sa race. C'était le cas, mais c'était tellement génial. Ah, c'est donc Romancing the Stone, ou À la poursuite du diamant vert, réalisé par Robert Zemeckis. C'est une dinguerie. Clairement, À la poursuite du diamant vert, c'est une putain de dinguerie. Alors, en gros, pour l'histoire, bah, c'est l'histoire d'une nana. Sa sœur, elle s'est faite kidnapper par des méchants. Et les méchants lui demandent, du coup, d'aller en Colombie et de leur apporter la carte, une carte au trésor, qui les aidera, qui les changera contre la sœur. Sauf que Lana va se paumer en Australie et elle va se retrouver avec un Michael Douglas en mode inspecteur, en mode, comment dire, en mode Indiana Jones ultra cynique, extrêmement drôle. Oui, le film est à vraiment se pisser dessus, vraiment très très drôle, avec des répliques qui tuent sa race. Et du coup aussi vraiment une musique géniale, des scènes d'action très très cool. La poursuite du diamant vert, c'est vraiment un film qui m'a fait du bien, que j'ai adoré. La musique est géniale. Et pour l'anecdote, c'est Robert Zemeckis qui a fait ce film. Parce qu'en fait, il avait déjà fait un film avant avec Spielberg. Ça n'avait pas trop marché. Et Spielberg lui a dit, bon, écoute mon coco, je veux bien te financer, te produire ton Retour vers le futur, mais t'as intérêt à faire un hit sans moi. Et il a fait La poursuite du diamant vert. Ça a très bien marché. Et il a pu se faire Retour vers le futur. Voilà, et La poursuite du diamant vert, du coup, gros gros coup de cœur. J'ai adoré ce film. Voilà. Voilà. Et quelqu'un a quelque chose à dire en particulier sur ma sélection, sur la sélection des autres, ou alors sur les news que ma mère a liqué hier? J'attends toujours le sextape pour ta mère. Maman, si tu m'écoutes, je suis désolé. Alors, on va du coup pouvoir parler des films qu'on conseille pour Halloween. Donc, on vous a chacun fait une petite sélection de 5 films. Et on va y aller en mode un chacun. On va faire une ronde un chacun. Ouais, c'est bien. Du coup, Hugo, peux-tu commencer? Quel film nous conseilles-tu pour Halloween? Quel film je vous conseille pour Halloween? Je vais commencer par Hérédité de Ari Aster. Le sachiez-tu ? J'aime beaucoup Ari Aster. Je me suis limité à un Ari Aster dans cette sélection. Même si Midsommar est mon film d'horreur préféré, j'ai pris Hérédité, parce que je pense qu'il est un peu mieux dans le dans l'ambiance Halloween. Du coup, Hérédité, premier long métrage d'Ari Aster, qui raconte l'histoire d'une famille, qui sont les Graham, qui va subir une série d'événements liés au décès de la grand-mère. Et pareil, ça va partir un peu en cacahuète. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Je sais pas si tout le monde sera d'accord, mais je m'en fous. Je suis d'accord, c'est excellent, Hérédité. Et du coup, ça pose vraiment bien les bases du cinéma d'Ari Aster, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on va retrouver après dans Midsommar, genre il y a le rapport à la famille. Notamment, il y a la figure féminine forte, qui est Toni Collette dans Hérédité, Florence Pugh dans Midsommar. D'ailleurs, Toni Collette, je pense que même si le film était nul, rien que pour sa performance, il faut voir le film. C'est incroyable comment elle incarne bien la folie. D'ailleurs, elle l'a fait aussi dans le dernier Charlie Kaufman, je veux juste en finir, sur Netflix. Et c'est génial. J'ai beaucoup aimé le scénario, parce que c'est rempli de petits détails qui font que c'est incroyablement complexe et qui prouvent que le mec avait tout prévu. Il y a une forme de fatalité dans le film où c'est inéluctable, tu sais ce qui va se passer, tu sais comment ça va finir. Mais il y a comme une sorte de renouveau quand même dans l'horreur. Ulysse, tu disais que tu aimais les jumpscares, il y en a 2-3, mais ils sont super bien placés et c'est pas constant surtout. Mais même quand ils sont pas bien placés, un jumpscare c'est toujours cool. Je suis pas d'accord, mais bref. En vrai, oui, quand ils sont putassiers, quand il y en a trop à un moment, c'est chiant, mais oui. Les jumpscares, ça fait toujours plaisir. Là, il y en a 2-3, mais extrêmement bien placé. Je l'ai vu en plus la semaine dernière, pour la première fois en salle, je l'ai déjà vu chez moi. J'avais le public relou quoi, de films d'horreur. Genre, je sais pas pourquoi, ils étaient morts de rire tout le film. Il y avait des gens qui hurlaient à chaque truc. Enfin bref, c'était relou. Mais ça m'a pas gâché le film, qui est formidable. Voilà, si vous avez l'occasion, voyez-le. Et suivez Ari Aster, parce que ça va faire du sale dans les années à venir. Ok. Roman, un film à nous conseiller pour Halloween ? Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais commencer par les films qui n'ont pas de lien avec Halloween, mais qui sont excellents. Alors, je vais commencer par parler, parce que je l'ai revu tout à l'heure, de Sinister, de Scott Derrickson. Vous l'avez vu ici, les gars, Sinister ? Alors, je l'ai en DVD, il faut vraiment que je le mette, mais à chaque fois que je me lance, soit c'est genre, tu sais, les soirs où tu veux te mater un film, tu mets le film et puis même avant que tu lances, tu fais « Ouais, non, je vais plutôt me reposer ou faire autre truc ». Je vois ce que tu veux dire. Moi, il est sur ma liste, je sais que je dois le voir. Mais le problème, c'est que je vais être honnête, hein, j'ai peur sans l'avoir vu. J'ai entendu parler du film et ça me fait un peu peur. Surtout que, fun fact, il y a eu une étude où ils ont convoqué plus de 100 personnes. Ils les ont foutus devant 50 films d'horreur. Ils ont regardé le rythme cardiaque. Et en voyant l'augmentation du rythme cardiaque, ils ont décrété que Sinister était le film d'horreur le plus flippant. Voilà. Oui, sur 50 films après. Parce que si jamais ils les avaient foutus devant Slock, Sered, Vomit, Girls, il me semble que la moitié de la salle se sera suicidée et le reste aurait fait des arrêts cardiaques. C'était des films d'après 2000. D'ailleurs, j'ai dit Slock, Sered, je suis vraiment désolé, Roman. Sinister, donc c'est le quatrième film réalisé par Scott Derrickson après Hellraiser 5. Le remake du Jour de la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, et donc c'est son quatrième. Et après ça, il a fait Délivre-nous du Mal et Doctor Strange. Et j'aime beaucoup Doctor Strange. J'ai maté Doctor Strange, les gars. On a vu, t'inquiète pas. Visuellement, c'est fou. Oh, Doctor Strange, c'est très sympathique. Il fait partie du top panier du MCU. Ouais. Et donc Sinister, ça raconte l'histoire de Ellison Oswald, joué par Ethan Hawke, un écrivain qui écrit sur des affaires de meurtre pour aider à les résoudre, des affaires de meurtre que qualifierait de cold case, c'est-à-dire des affaires classées, en gros. Des affaires classées, mais sans suite. Et donc, il emménage dans une maison où se sont déroulés des meurtres, plus précisément une famille qui a été retrouvée pendue, et il va retrouver des bobines de film Super 8 dans son grenier, avec un projecteur, et il va tomber sur des vidéos de meurtres. Et c'est là que le cauchemar va commencer pour lui et sa famille. Oh boy. Sinister, je l'ai découvert quand j'avais 12 ans. Donc c'était il y a 7 ans, je suis vieux et je me suis pris une claquasse. Et plus je le revois, plus je le trouve génial. Je l'ai encore revu tout à l'heure. Et Sinister est un chef-d'œuvre. Sinister, c'est le meilleur film de Scott Derrickson. C'est un des meilleurs Blumhouse. C'est un de mes films d'horreur préférés et c'est un chef-d'œuvre tout simplement. Le film est vraiment, vraiment flippant. Bah écoute, ça m'intéresse vachement de le voir. Enfin, de toute façon, il faut vraiment que je le voie. Je l'ai acheté en DVD, c'est pas pour rien. Moi, j'aimerais bien vous parler d'un film de mon enfance. Un petit film toujours très sympathique à voir à Halloween. Je parle de Coraline de Henri Selick. Henri Selick qui a aussi réalisé James et la pêche géante et bien sûr Le temps journal de Monsieur Jack qui est un grand classique aussi. Je sais pas si quelqu'un l'a mis dans la liste, mais en tout cas, j'adore Le temps journal de Monsieur Jack, même si je pense que c'est plus un film de Noël qu'un film. Il faut pas le dire. Ok, ok. Donc Coraline, ça raconte l'histoire d'une nana qui va une petite fille avec sa famille qui va aménager du coup dans une nouvelle baraque, dans une ville où elle connaît personne, avec une famille où les relations sont pas très compliquées entre elle et ses parents, pas très facile pardon, entre elle et ses parents, et du coup elle va trouver du coup dans la maison une trappe qui lui permet de voyager dans un autre monde parallèle où tout est très très très bien pour elle, genre ses parents, ils sont géniaux, elle a plein de potes, tous les voisins sont très très cool, même si, détail un petit peu bizarre qu'elle trouve, ils ont des boutons cousus à la place des yeux. Et cette situation idyllique va se transformer en cauchemar lorsque la mère de l'univers parallèle, donc la mère avec les yeux cousus, va lui demander de se coudre les yeux elle aussi. C'est un film qui est produit par le studio Laika, que j'aime énormément, et qui a aussi fait les Box Trolls, que j'aime beaucoup, ainsi que Paranorman, ou L'étrange pouvoir de Norman en VF, qui sont deux films que je trouve excellents, et je n'ai toujours pas vu. Oui, c'est génial. L'étrange pouvoir de Norman. Ah, c'est incroyable, L'étrange pouvoir de Norman. J'adore ce film. Et ils ont aussi fait Kubo et l'armure magique, que je suis désolé de ne toujours pas avoir vu. Je suis désolé pour moi, hein, pas pour vous, moi j'en ai rien à foutre. Mais Kubo, ça a l'air vraiment très très très bon. Il faut que je le voie. Parce que j'aime beaucoup les gars. Ils ont aussi fait Monsieur Link, que je n'ai toujours pas vu non plus. Donc Coraline, ça a aussi beaucoup. C'est très très beau. Vraiment, l'animation de Laika, elle est splendide en fait. C'est vraiment comme Étrange dans le Monsieur Jack. C'est-à-dire, c'est des petits animatroniques ou alors des stop motion avec des figurines très réalistes. Il y a beaucoup de références à des tableaux, notamment donc la Vénus de Milo, enfin non, pas la Vénus de Milo, la naissance de Vénus de Botticelli, ou alors la nuit étoilée de Van Gogh, mais il y en a d'autres, je vous laisserai les découvrir. L'animation est superbe, ça j'ai déjà dit, la musique est très très bonne aussi, et j'aime beaucoup beaucoup la fin du film, je la trouve vraiment superbe. Voilà, je vais pas trop en parler parce qu'encore une fois, le but c'est de faire découvrir des films et pas de les critiquer. Mais voilà, Coraline, valeur sûre pour Halloween. À ton tour, Hugo. Et ben moi, mon deuxième film, ce sera une comédie horrifique. C'est Shaun of the Dead d'Edgar Wright. J'ai une prononciation à chier. Mais c'est pas grave. juste Roman qui va te hanter dans ton sommeil. Je parle un bon anglais, généralement. Mais voilà. Donc c'est le premier film de la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est pas le premier film d'Edgar Wright, mais c'est son premier gros film, on va dire. Il en avait fait un autre qui s'appelle, si je regarde mes notes, A Fistful of Fingers, qui était comédie western avec un budget équivalent à un ticket restaurant à Hollywood. Et, et du coup, c'est une comédie, je sais pas si j'ai dit, avec des zombies, mais en gros, ça raconte l'histoire de Sean, qui est joué par Simon Pegg. Simon Pegg. Ah, oui. Qui est un homme de 29 ans qui a une vie, en gros il est paumé quoi, genre il a une copine mais ils font rien quoi, il n'y a pas de sortie, ils vont juste tous les soirs dans un pub, donc au bout d'un moment elle en a marre, elle le quitte et tout simplement va se déclencher une épidémie nommée le Covid-19. Non, va se déclencher une épidémie. Je ne sens pas que le Covid-19, les gens perdent leur mâchoire. Après, il faut vérifier les effets secondaires. Je ne pense pas qu'ils revivent, surtout. Je pense qu'ils juste meurent. Voilà, ouais, donc, aussi. Qui transforme les gens en zombies. Alors, pareil qu'Hérédité, je trouve que ça pose vraiment aussi les bases du cinéma d'Edgar Wright. Il y a notamment le montage. Je suis un vrai fan de son montage. Surtout les transitions, en fait, plus que le montage. Oui. Le montage est très efficace, mais il a surtout un très très bon travail des transitions. Mais tu mais vois pour la... moi, le film d'Edgar Wright, où les transitions sont les plus abouties, je trouve que c'est mon film d'Edgar Wright préféré, donc Scott Pilgrim. Je suis d'accord. Oh putain, merci. Viens voir ce que t'appelles. Mais du coup, non, je pensais aussi, quand je te dis montage, je pense par exemple à la scène que tu retrouves dans Hot Fuzz quand il part à la campagne et qu'il est dans le métro et que ça. Oui, bon, c'est transition. Bref, ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison, mais je oui, voilà. T'as des idées de réalisation intéressantes aussi, je trouve, quand t'as le. Attends, Roman, on t'entend pas. Il y a ça dans Ant-Man. Oui, Ant-Man. C'est vrai. Il y a ça dans Ant-Man. C'est Ant-Man. Vrai, c'est totalement vrai. Tèche du projet par Disney pour différents artistiques. La même raison pour les tèches de Scott Derrickson pour Doctor Strange 2. Mais du coup, surtout dans les flashbacks que raconte Louis, le pote d'Ant-Man, t'as un montage très Edgar Wright et c'est, ouais, tu sens un peu les restes d'Edgar Wright avant qu'il se fasse virer. Et voilà, c'était mon intervention pour parler du MCU. Au revoir. Roman, j'ai remarqué un truc avec ton micro en fait. Quand tu l'actives, en fait, ça met un certain temps avant que ta voix devienne normale, et une fois qu'elle est normale, elle est bien. Et là, elle est normale ? Ouais, elle est normale, elle est bien, en fait, on entend, j'entends à peu près au même volume qu'Hugo, mais quand tu retires, en fait, ton micro bloqué, ton son, il va crescendo, en fait, au début, il est très très bien, très très bien, on t'entend pas, c'est pour ça que des fois, en fait, je vois que ton micro il est activé, que tu parles peut-être, mais j'entends pas du tout ce que tu dis. Okay. Voilà. Et c'était... sinon, le MCU, c'est trop bien. Et ma tête des films d'Edgar Wright, ça tue. Ouais, mais le MCU, j'aime beaucoup aussi. Enfin, ça dépend. Il y a à boire et à manger, mais c'est quand même très très quali. Edgar Wright, c'est plus quali que le MCU. Je connais les gens. Bref. Non, je suis d'accord avec toi, Hugo, parce que là, disons que. Scott Pilgrim, ça faisait partie de mes premiers émois cinéphiles. Et si bien que je me suis acheté les 6 comics version couleur. Ah oui, quand même. Ah, ils sont vraiment excellents pour le coup. J'aime beaucoup, beaucoup les comics. Lisez les comics Scott Pilgrim, c'est très différent du film. Mais c'est vraiment pas renié, c'est très très bon. Du coup, pour finir sur Shaun of the Dead... ça va beaucoup dans l'absurde niveau humour, mais moi j'adore ça. Quand c'est de l'absurde, je rigole très très fort. Quand même, ça s'est gardé des scènes gore, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça va. Et pour revenir sur les idées de réalisation, je trouve il y a un truc qui me fait mourir de rire. Don't stop me now. Oui, je l'ai écrit dans mes notes. C'est incroyable. Quand il tape en rythme, c'est de la musique sur le patron du bar, c'est génial. Il y a aussi. Surtout, dans l'humour de Shaun of the Dead, il y a un truc qui est très très important, c'est les running gags. il y en a tout le long du film, des trucs qui des fusils de Tchekhov humoristiques en fait. Littéralement des fusils de Tchekhov, parce qu'à la fin du film, il se retrouve avec un gun. Un fusil, bien sûr. Oui. Et voilà, c'est les fusils de Tchekhov qu'il y a dans ce film pour amorcer des blagues. Elles sont dingues. Il y a les ce que j'ai trouvé ultra intéressant, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est les allers-retours. Genre, je sais pas si je m'explique bien, quand il y a les premiers zombies qui apparaissent dans le jardin et que t'as Sean qui dit à Ed, est-ce qu'ils sont là? Et qui va à la fenêtre, il regarde, on les voit clairement, et il attend d'être revenu pour dire oui. Ça me tue. Ça me tue de rire. Et oui, j'ai mis aussi les. Quand il fait. Il y a ça dans Hot Fuzz aussi. Quand il te fait rentrer un objet soudain dans le champ et que tu t'y attends pas. Genre là, quand il est au magasin et qu'il fait rentrer le téléphone. Voilà. C'est. Bon, voilà, ça pose beaucoup les bases du cinéma de Edgar Wright. Et. De rire dans Shaun of the Dead, c'est quand ils sont dans le jardin et que ils trient les vinyles qu'ils veulent lancer. Voilà. Et dans ma famille, en fait, il y a toujours eu énormément de collectionneurs de vinyles, de disques et tout. Et voir cette scène, ça m'a fait péter de rire. Vraiment, j'imaginais mes vieux en fait en train de voir ce qu'ils allaient balancer aux zombies. Bon, du coup, je vais juste conclure en franchement, si vous cherchez un film où vous allez rigoler, mais où en même temps ça peut un peu vous faire peur, mais vous allez surtout rigoler, Shaun of the Dead, c'est parfait, c'est très bien réalisé. Le duo d'acteurs principal, parce que c'est un duo, est formidable. Et c'est tout, voilà. Regardez Shaun of the Dead et toute la filmo d'Edgar Wright. Mon ami Roman, as-tu quelque chose... Enfin, quel film voudrais-tu nous présenter ensuite pour Halloween? Alors ensuite, je sais pas si je vous ai dit que j'aimais les slashers. Ah bah, tu me l'as déjà dit au moins 5 fois depuis le début de l'émission, hein. Ah bah non, moi j'ai pas entendu. Ah non, t'es sûr? De quoi? Non, rien. Parlons donc de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Ah, avec plaisir. Alors... Donc c'est le deuxième film de Hooper. Le mec, à son deuxième film, il te sort ça en 74. Est-ce que son premier film, c'était Les Crocodiles de la Mort ou Death Trap en VO? Les Crocodiles de la Mort, c'est son troisième. Ah, bah Les Crocodiles de la Mort, c'est très cool. Il paraît, ouais. Et donc, alors, R.I.P. en paix, Toby, il nous a quittés en 2017. Merde, j'étais même pas au courant. Ouais. D'ailleurs, matez d'autres Hooper, matez Poltergeist, c'est génial, Poltergeist. Et sinon, donc, Massacre à tronçonneuse, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui traverse le Texas et qui tombe sur une maison qui semble abandonnée de prime abord, mais qui cache en fait une famille de psychopathes cannibales. Dont un des fils a pour passe-temps, ma foi, printanier de se mettre des masques en peau humaine à base de cadavres qu'il a déterré. Massacre à tronçonneuse est un chef-d'œuvre. C'est une énorme claquasse. Et pour l'époque, ça, c'est vraiment trash. C'est-à-dire que le film, quand il est sorti, il a... Alors, juste pour la France, quand il est sorti en 1974, il est brièvement sorti classé X. Ah ouais. Voilà. Alors après, il est ressorti en 1977, toujours classé X. Puis interdit au moins de 18 ans dans sa ressortie en 81. Ah ouais, quand même. Ce qui peut quand pour ceux qui sont pas des aficionados de l'horreur, quand dans ce que va vous dire Roman, dans le scénario, enfin dans le synopsis, vous avez l'impression de voir n'importe quel film d'horreur ultra vu revu, donc une bande d'adolescents qui vont dans une maison et qui a des gens un peu dégueulasses. Il faut savoir que c'est un des films en fait qui a lancé en fait tous ces codes. C'est comment on appelle ça déjà quand un film lance des codes? Un drop codifier. Merci. Ouais. Et donc, pareil pour Halloween, en fait. C'est pour moi les deux grands lanceurs de slasher, Massacre à la tronçonneuse et Halloween. Bah, avec aussi Black Christmas. Black Christmas, exactement. J'aime beaucoup Black Christmas. Et alors, deux, trois petites anecdotes un peu crades sur le film. Il y a une scène dans le salon de la famille où on voit un squelette en fond. C'est un vrai squelette humain. Bah écoute, le département artistique, il s'ennuie. Ça coûtait moins cher d'importer un squelette humain d'Inde que d'en acheter un en plastique qui semble assez réaliste. Bah écoute, il y a... Bah est-ce que ça veut dire que les Indiens, quand ils ont vu le film, ils se sont dit « Oh regarde, il y a grand-père » Peut-être, peut-être. Et autre anecdote qu'on pourrait qualifier de crado, histoire vraie. Voilà, donc c'est inspiré du tueur en série Ed Gein, qui en plus d'être un tueur en série, était un profanateur de sépultures, parce que vive la joie. Et tu veux dire qu'il a joué dans le film L'invasion des profanateurs de sépulture ? Exactement pas. Et donc officiellement, Ed Gein n'a tué que deux personnes, ce qui est déjà beaucoup. Mais chez lui, on a véritablement retrouvé du mobilier en peau humaine et en squelette, à partir de tombes qu'il avait profanées et de cadavres de gens qu'il avait tués. Encore une fois, le gendre qu'on voudrait tous. C'est un artiste accompli. Il y a un truc, je ne sais pas si c'est vrai sur le film, mais au collège, un de mes potes m'avait dit « Hey mec, tu vois, dans Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, sa peau, eh ben, elle a été faite avec de la vraie peau humaine, et du coup, les acteurs, ils avaient peur de lui sur le tournage. » Est-ce que c'est vrai ? Je sais pas si les acteurs avaient peur de lui sur le tournage. Je sais que Marilyn Burns, du coup, qui joue la scream queen du film, est en plutôt bon terme avec Gunnar Hansen, parce que aux conventions, ils sont ensemble, ils sont souriants et tout, ils ont l'air de bien s'aimer. Donc je pense pas que, en tout cas, si les acteurs avaient peur de lui sur le tournage, ça a pas dû perdurer dans le temps, parce que les acteurs ont l'air de plutôt bien aimer Gunnar Hansen, qui joue Leatherface. Donc je sais pas s'ils avaient vraiment peur de les enfermer sur le tournage. Après, en même temps, le mec, c'est quand même un colosse de base. Il lui aurait même foutu des chaussures compensées en prime. Et oui. Et pour un mec dont le seul but dans le film, c'est de t'attaquer avec au choix un marteau, des crochets de boucher ou une tronçonneuse. Parce que oui, fun fact, il ne tue qu'une seule personne à la tronçonneuse dans le film. Je vais pas dire ce qu'il sait, mais à l'indice, quand il avance, ça fait un bruit de métal. oui, je sais. C'est un enfoiré, Roman. Le film est génial. Vraiment, le film est excellent. Dans la Massacre à la tronçonneuse, c'est un de mes chefs-d'œuvre pour moi. C'est vraiment une énorme tuerie. Alors, j'aime beaucoup Massacre à la tronçonneuse aussi. Après, j'ai peut-être découvert trop tard, du coup, c'est pas vraiment un de mes chefs-d'œuvre. Mais ouais. Et ouais, le budget du film est absolument ridicule. C'est à peu près le budget qu'a fait pour un Avengers. je vais essayer de vous trouver le budget, attendez. Attention, le moment budget. Et pour meubler, sinon, je vous dirais que je suis en train de regarder ma DVD Tech et j'ai le DVD de Mother's Days que j'ai eu avec Shadows. Ah merde, avec un abonnement Mad Movies. Et le film est réalisé par Charles Kaufman. Il a fallu que je relise son nom parce que la première fois j'ai lu Charlie Kaufman. Ouais, c'est pas. J'ai le budget. Le budget. Vous êtes prêts ? C'est prêt. 140 000 dollars. C'est tout ? Le Ghost Story, c'est moins. Ah la vache. Eh bien. Et le film a rapporté 30 millions. C'est un bon retour sur investissement. Ouais. C'est pas au niveau de Paranormal Activity, niveau retour sur investissement, mais... Jason Blum s'est offert des dents en or. Ouais. Et tu sais pourquoi, en plus, il a accepté de produire Paranormal Activity ? Parce qu'il avait le seum de pas avoir pu avoir Blair Witch. C'est ça. Donc, c'est à mon tour de parler du film d'horreur que je conseille pour Halloween. Et je vais aller dans le même mouvement que Hugo en conseillant un film d'horreur slash film d'humour. Je vais vous parler de Tucker and Dale Fight le Mal. Ou Tucker and Dale versus Evil en version originale. C'est une de mes comédies favorites qui joue justement beaucoup avec l'humour de situation. C'est l'histoire de deux potes un peu simplets, un peu cons, un peu redneck, qui vont s'acheter une toute nouvelle baraque en plein milieu donc des bois pour passer leurs vacances. Genre une maison ultra glauque de tueurs en série, mais bon, ça le fait kiffer. Et du coup, à côté d'eux, dans la forêt, va y avoir une bande d'adolescents en fait qui se retrouvent là pour picoler, enfin faire du camping. C'est des jeunes de films d'horreur. Vous attendez à quoi? Qu'ils fassent du bowling en plein milieu de la forêt? Vous êtes cons, non? Ce qui va se passer, c'est que les jeunes vont se retrouver confrontés à eux et vont croire que Sucker et Dale sont des tueurs de films d'horreur. Alors c'est pas le cas, c'est juste de l'humour en situation qui marche très très bien et c'est extrêmement drôle. Le montage du film est très très cool parce que des fois tout se joue juste sur un plan et j'aime beaucoup ce truc de faire jouer l'action que dans un plan parce que ça ajoute beaucoup de dynamisme et justement les blagues du film sont très très dynamiques, très très fluides. Et très très drôle, les acteurs sont vraiment excellents. L'acteur qui joue Dale, je me souviens plus de son nom, mais je l'aime beaucoup. Attendez. Il s'appelle Alan Tudyk. Alan Tudyk, je l'aime beaucoup. Il a joué notamment donc dans Dodgeball, bon, c'est pas vraiment un très bon film, mais il est surtout connu comme étant en fait le doubleur de beaucoup de personnages. Notamment, il double dans Vaiana, il double dans Les Mondes de Ralph, il joue dans Rogue One et dans iRobot aussi. Donc j'aime beaucoup cet acteur, Alan Tudyk. Voilà. Et donc je vous conseille vraiment de mater Tucker and Dale, parce que c'est du génie. Juste pour vous teaser, il y a une scène où t'as les ados qui attaquent Tucker and Dale pour sauver leur ami qui a, entre guillemets, été kidnappé par Tucker and Dale, alors qu'en fait, ils sont en train de la soigner. Et il y en a un qui fonce vers Dale, qui est en train de broyer du bois dans une broyeuse. Sauf oui, que le gamin... oui, mais c'est la meilleure scène du film. Il va glisser, le gamin, il va se retrouver la tête plongée dans le broyeur à bois. Et du coup, Dale, il va essayer de le sortir de là, et les gosses vont croire qu'il le fout dans le broyeur. Oh mon Dieu. C'est génial. Donc voilà, regardez Sucker and Dale, c'est... une de mes comédies cultes. Voilà. À ton tour, Hugo, conseille-nous un film d'horreur à voir pour Halloween. Et ça va être ma catchphrase, je vais dire ça au moins 10 fois dans l'émission. Ça va pas être très original, mais on va rester sur une production de Monsieur Blum. J'ai envie de parler de Us, de Jordan Peele, pour la simple et bonne raison que c'est un film horriblement sous-coté à mon goût. Sous-estimé. Est-ce que c'est pas la même chose au fond? Bah, sous-côté, c'est quand le film a pas de cote. Sous-estimé, c'est quand les gens. Sous-côté, c'est genre quand le film est pas beaucoup connu ou que les gens. Oui, voilà. Alors que sous-estimé, c'est quand les gens ont une trop mauvaise image du film alors que le film est génial. Je suis d'accord avec toi, le film est grave sous-estimé. Sous-estimé, c'est beaucoup moins apprécié que son grand frère Get Out. Pourtant, Get Out, c'est pas terrible, terrible. Et Get Out est sur-côté. Là, pour le coup. Là, je suis d'accord alors. Attendez, Roman, on va super commencer à parler parce qu'on n'entend vraiment pas avec le micro. Petit risque que vous avez dit immédiatement, Get Out, c'est génial. Je suis désolé, Roman, mais je ne retirerai pas ce que j'ai dit. Je trouve le film vraiment bof, et même si le concept est bien utilisé et que ça offre des belles images, le film reste quand même vraiment surcoté. Oui, mais il y a une nuance. On t'entend pas, Roman. Je te dis d'aller tout être par le trou, d'accord? Okay. Il a dit des choses pas très gentilles. Il y a une nuance. Surcoté ne veut pas dire mauvais. Get Out est surcoté, mais il n'est pas mauvais. D'accord, il n'est pas mauvais, mais il est grave surcoté. Voilà, du coup, S de John Mitchell, je trouve ça génial. Waouh, sinon je le proposerais pas. Il commence à être tard, hein. Je parlais du jeu de Toni Collette dans Hérédité et que ça suffit au film, et bah je rebelote avec Lupita Nyong'o, qui fait une double performance qui est juste incroyable. Voilà. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, et pourtant j'ai vu le film en VF pour la première fois, et pourtant pas de réaction, je m'attendais à un des petits dents. Moi personnellement, c'est passé dans mon slip la réaction. Je veux pas savoir. Alors moi, ouais. Pour le coup, j'ai vu avec ma copine de l'époque qui m'a trompé. T'inquiète, tu connais. Ma copine de l'époque, mais vraiment c'est cool. C'était le même. Pour info, je l'ai vu et quand je suis rentré de la séance, c'est là que j'ai appris que Notre-Dame avait brûlé. Ah merde. Bref, sa parole. Je voulais aussi souligner celle qui joue. J'ai plus le nom du personnage, je vais essayer de trouver vite fait. Enfin, la fille de Adélaïde de Lupita Nyong'o. C'est Zora, voilà, j'ai retrouvé. Qui est jouée par Shadi Wright Joseph, où en gros c'est plus ou moins son premier rôle, parce qu'elle avait eu dans un truc télévisé. C'était quasiment une apparition, mais bref, c'est vraiment là où elle est lancée, et je trouve qu'elle s'en sort super bien pareil dans le double jeu. J'ai une petite anecdote, petit fun fact, je sais pas si vous êtes au courant. Il y a dans le film quelqu'un qui s'appelle Duke Nicholson, et qui est le petit-fils de Jack Nicholson. Sérieux ? Oui, et qui joue en officier. J'ai pas réussi à repérer son personnage, mais il joue en officier. L'officier Murray. Il est crédité en tant qu'officier Murray. Et j'ai trouvé ça marrant. Incroyable. J'ai trouvé que le twist, par contre, de Us a très bien marché sur moi. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Oui, mais ça a beaucoup marché. Ça a beaucoup marché. C'est très social, en fait. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma de Jordan Peele, quoi. C'est vraiment des messages sociaux tout le temps. J'ai trouvé le scénario très bon et je finirai sur un point où vraiment, limite, ça aurait suffi à me faire peur, c'est la musique du film. Oh, elle est incroyable, elle est vraiment flippante. Oui, et le thème principal, c'est quoi? C'est un sample d'une musique de Luniz, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il arrive à en faire, je trouve ça génial. Attends, Romain, on t'entend pas. C'est un sample de Five On It. Oui. Ah. Et ouais, c'est génial. D'ailleurs, le coup de Us, c'est le même que Get Out. Que Get Out, Michael Abels. Ouais, et il a fait que ça en fait en musique de film, et à part ça, c'est un compositeur d'opéra en fait. D'accord. Mmh. Voilà. Ouais. Bah, les musiques de Get Out, de Us, sont vachement bonnes. Rien qu'au début du film, je me souviens, les cages de lapins avec la musique. Oui. Ça m'a foutu en tension, j'étais pas bien. Mais vraiment? Cette musique là, ça m'a fait peur pendant longtemps. Ouais. Ce qui est super avec le film aussi, c'est que c'est fait un peu comme un épisode de la quatrième dimension. Qui a été repris par Jordan Peele d'ailleurs. En plus, ouais, mais je trouve que c'est vraiment épisode de la quatrième dimension. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est une série qui a traumatisé mon enfance et que j'ai beaucoup d'affection pour cette série. D'ailleurs, le reboot par Jordan Peele est pas dégueulasse. J'ai vu que les deux premiers épisodes, mais c'est vraiment pas dégueu. C'est une des séries que je dois me faire parce qu'elle me tente vraiment. Bon, bien sûr, après, il y a toujours la petite appréhension de est-ce que ça va être aussi bien que dans mon enfance. J'espère. Bon, eh bien, Roman, quel film d'horreur nous conseilles-tu pour Halloween ? Dora l'exploratrice au pays du cinéma. Alors, je vais vous conseiller. Vous connaissez Elmo au pays des grands cheux ? Oh oui! Ah! Oh. Je jouis! C'est pour Ulysse celle-là. Ah oh, oui! On va rentrer dans un film d'horreur qui se passe à Halloween. Halloween! Et on va partir sur L'étrange Noël de Mr. Jack, réalisé par Henri Selick. Ah, ça fait deux Selick dans la sélection. Je suis content. Donc, L'étrange des Mystères Jack qui est sorti en 93. C'est le premier film réalisé par Henri Selick. Son premier long, en tout cas. Et est-ce que j'ai besoin de résumer L'étrange Noël de Mr. Jack? Je pense pas. Je vais le faire quand même. Jack Skellington, c'est un peu le roi de la ville d'Halloween. Il en a marre de ce statut. Il veut changer d'air. Et à un moment, il va marcher toute une nuit et tomber sur des portes indiquant différentes fêtes. Donc il y a une porte pour Pâques, une porte pour la Saint-Patrick, une porte pour la Saint-Valentin et une porte pour Noël. Et il va découvrir le monde. C'est vraiment pas très très sympa pour la communauté juive, je tiens à dire. Il n'y a pas de porte de Hanouka, je suis dessus. Et il n'y a pas une toupie merdique. Et il va découvrir ce que c'est que Noël et il va vouloir le faire dans le monde d'Halloween. Sauf que les monstres sont pas faits pour ça. Un peu comme la scène dans Vice Versa où colère, dégoût et tristesse, où colère, dégoût et peur essaient de jouer la joie. Disons que les habitants de la ville d'Halloween qui essayent de jouer Noël, ça le fait pas. Mmh. Et est-ce que je vous ai déjà dit que ce film était un chef-d'œuvre? Pas besoin de nous le dire, hein, on l'a tous vu, je pense. Alors, non, c'est pas Tim Burton, le film. Oh merde, je pensais que t'avais vraiment aussi à tenir toute la critique sans dire le mot Tim Burton. Je peux pas faire autrement, Burton, il a écrit le poème d'origine, le poème qui est à l'origine du film, il a produit le film, il est directeur artistique, il est scénariste, je peux pas faire autrement. Mais ça m'aurait fait marrer que tu ne prononces pas le nom de Tim Burton. Je suis obligé de Tim Burton. Alors, petit fun fact. Donc le poème d'origine qui est disponible sur le Blu-ray d'ailleurs dans les bonus du Blu-ray, Burton a dit que l'idée du poème lui est venue quand il était dans un magasin et qu'il voyait les décos d'Halloween se faire remplacer par les décos de Noël. Ah. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Ouais, ça fait sens. Et autre petit fun fact, Danny Elfman qui double donc qui est compositeur du film. Et qui double Jack dans les chansons, pas dans le reste du film, mais dans les chansons, c'est lui qui double Jack en VO, a avoué que les 10 chansons qu'il a fait, c'était un des jobs les plus simples qu'il ait eu à faire, parce que selon lui, il a énormément en commun avec Jack Skellington. Je connais pas la vie de Danny Elfman, mais... Mais voilà, donc... il a l'air dépressif, le coco. Voilà, il a composé donc 10 chansons pour le film. Donc Elfman, un génie. Quasiment tous les Burton, à part Ed Wood, je crois. Et Sweeney Todd, je crois que c'est parmi les deux seuls où il a pas composé la BO. Ouais, et Sweeney Todd, c'est bien de la merde. Oui, mais ça chante. Non. Sweeney Todd, donc c'est bien. Et Ah, c'est vraiment pourri Sweeney Todd. Ah non, désolé. Nique-toi, très fort. Et bref, donc Elfman aussi, Les Simpsons, aussi Man in Black, aussi Chair de Poule. Aussi Forbidden Zone, on ne prononce pas assez le nom de ce film, mais je veux qu'on parle de ce film au moins une fois par an. Forbidden Zone, ok. Merci beaucoup. Jack, pour réaliser un Noël dans le monde d'Halloween, va kidnapper le Père Soreille. Parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans la VF, parce qu'ils ne connaissent pas le mot Père Noël, alors il l'appelle le Père Soreille. Il l'appelle comment en VO? Je sais plus quoi. Comment il l'appelle en VO. Et tous les personnages du film sont absolument géniaux. Est-ce qu'on en parle de la stop motion? Vas-y, lâche-toi. La stop motion est magistrale. Ouais, putain. Ouais, ça revient un peu à ce que j'ai dit dans Coraline, quoi. C'est génial. Il y a Gilus, un youtubeur que j'aime beaucoup. Ouais. Il a dit la stop motion de Coraline, on dirait des effets spéciaux. C'est vrai, c'est complètement vrai. Avec les fantômes, surtout. Les fantômes sont magnifiques, ma Coraline. Ouais, clairement. Et ça donne vraiment l'impression d'être fait en numérique. Oui. Et c'est encore plus taré. Et t'as des scènes dans Jack où c'est tellement beau, tellement triste, tellement mélancolique, tellement... Ah, je sais pas, il y a tellement de trucs dans ce film. La chanson de Jack, de sa chanson de renaissance, on va dire, après qu'il ait voulu être le Père Noël. Quand il est dans les bras de la mort, dans le cimetière. Frisson. Mais putain, cette scène est glorieuse. Oui. Mais Matt et l'étrange Noël de Mr. Jack, c'est un classique. Si c'était un Burton, ce serait son meilleur. Mais c'est oui, pas oui, je suis d'accord avec toi. Si c'était un Burton, ce serait son meilleur. Mais c'est pas un Burton, et c'est le meilleur, c'est Leek. Pas dur. En même temps, le mec, il... Ah, mais il y a quand même Coraline et James et la Peste Géante dans son CV, du coup, ça impose quand même. J'ai très peu de souvenirs de James et la Peste Géante, mais Coraline est un chef-d'œuvre. Enfin, j'ai dit, c'est pas dur dans le sens où il en a fait beaucoup. Il a fait une vingtaine de films, mais... Et voilà. Ouais. Jack, c'est pas le sien, mais ça reste son meilleur. Mais oui, et sinon, Matt et Ed Wood de Burton, c'est génial. Oui, j'ai pas aimé Ed Wood, je suis désolé, j'ai pas accroché. T'as pas aimé Ed Wood? Non. D'accord. Je sais pas si c'est les conditions dans lesquelles je l'ai vu ou si c'est. Voilà. Mais objectivement, c'est un très bon film, y a pas de souci là-dessus, mais je suis pas rentré dedans. Moi, je suis un énorme fan de vieux films de monstres, en fait. Donc, Ed Wood, ça me parle, tu vois. Surtout toute son amitié avec Bela Lugosi. Maté des films avec Bela Lugosi, c'est génial. Maté Dracula. Maté le premier Dracula. De Todd Browning, c'est génial. Mmh. Sans projet, t'inquiète pas. Et Maté Freaks, de Todd Browning, c'est génial aussi. Aussi. Dans mes projets. Ah... Alors, moi j'aimerais bien vous parler d'un film dont Roman a un peu parlé au début, le Rocky Horror Picture Show, réalisé du coup par Tim Sherman. Bon, on a déjà parlé ça, du coup je vais éviter de paraphraser ce qu'a dit Roman auparavant. C'est totalement une version punk de Grease, vraiment. Et c'est également... un film qui parle énormément de la libération sexuelle. Ce film a été fait dans les années 70. T'as Woodstock, t'as tout le mouvement hippie, etc. où les gens commencent vraiment à sortir et tout. Et du coup, on est vraiment sur un film qui parle de libération sexuelle et qui est profondément LGBT, qui est pour moi le meilleur film LGBT qui a été réalisé de tout. C'est le meilleur film LGBT tout court, quoi. Et parce que justement, c'est pas un film qui en fait des caisses, c'est vraiment des personnages qui sont androgynes, qui ont pas vraiment de sexualité à part entière, on peut dire qu'ils sont un peu pansexuels, qui sont, par exemple, tu peux voir des personnages, des mecs taper des mecs, puis des nanas, etc., puis ça fait une ronde, etc. C'est aussi un film qui parle aussi beaucoup d'échangisme, de couple libre. C'est super cool. J'adore ce film. Il y a aussi une relation chelou entre un frère et une sœur, mais ça, je pense que... c'est moins dans le temps de l'époque, quoi. Quoique, ça dépend. En Alabama, seems legit. On a une performance de Tim Curry qui est juste géniale. Il chante super bien et il a un accent anglais super craquant. Les chansons du film sont géniales. Et vous allez voir ce film une fois, vous allez avoir envie de le voir 15 fois. Et vous allez avoir envie de connaître les chansons par cœur. Moi, c'est mon cas. J'aime toutes les chansons de ce film et c'est une dinguerie, je vous jure. Vraiment, les gars, un jour, faut que j'aille à Paris et qu'on se fasse une séance du Rocky Horror. Je me travestirai si c'est possible. Mais voilà. Quoi ? On t'entend pas, Roman ? Tu veux dire que tu vas devenir un straight transvestite ? Oh yeah, transsexual Transylvania. Casse-toi le Covid, je veux voir ça. Je veux voir Ulysse qui vient à Paris en travesti. Pour alors, sache que je me suis déjà travesti parce que à l'époque, je faisais des critiques sur Amino et j'ai fait une critique du Rocky Horror. Et du coup, bah, pour l'occasion, j'ai dit à ma belle-mère « Hey, tu peux me maquiller en nana ?» C'était un moment très drôle et très gênant. J'imagine. Et voilà, le Rocky Horror Picture Show, c'est de la bombasse, vraiment. Vous allez ressortir avec 15 milliards de musique en tête, et vous allez avoir envie de chanter, de danser et de sucer des mecs. Comment ça? Oula. Ah ok. Oui, bon, oui. Comment ça, mon cas n'est pas une généralité? Laissez-moi sucer des mecs. Bon, quel film nous conseilles-tu pour Halloween, mon cher Hugo? Ben là, on arrive dans la partie où j'ai plus de notes, donc ça va être un peu en roue libre. Mais c'est Scary Movie. Ah oh, alors, le premier. Là, j'ai encore entendu les fesses de Roman s'écarter. J'ai entendu, ça fait flop. Tu nous le dis tous les jours, Roman. Tu nous le dis tous les jours, on en a marre. Ce running game me tue. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui et oui, justement, bon, Scary Movie, qu'est-ce que c'est? C'est une parodie de des slashers, mais de Scream, surtout, en général. Ah, pour moi, c'est un mélange, vraiment, les plus grosses inspirations, ça reste Scream et Souviens-toi de l'été dernier, oui. Qui est un film de merde. Et Scream 2 aussi. Ouais, aussi. Eh bah, ben, écoutez, j'ai la page Wikipédia sous les yeux, et c'est exactement ça. C'est est-ce que, parties. Romain, tu peux nous dire quel est censé être le titre original du film? De quoi, le titre québécois, tu veux dire? Non. C'est des films de peur, mais on va savoir le titre qui était censé être à l'origine. Non, voilà, c'est que Scary Movie, ça devait être le titre de Scream à la base. Oui, mais pour Scary Movie, il y avait un titre qui était ultra long. Oui. Ah, t'es sûr? Oui, ouais. Je l'ai, si vous voulez. Bah, vas-y, dis-le, Hugo. Donc, à la base, le film devait s'appeler « L'été dernier, j'ai crié parce qu'Halloween tombait le vendredi 13. » Oui, voilà, c'est ça. Mais pour faire référence à Scream, il a été changé. Et je lis pas du tout la page Wikipédia. C'est bien d'être honnête, Hugo. Non, du coup, c'est quand même aussi un film rentable, parce que, bon, même s'il y a eu quand même 19 millions... Et on a rapporté 278, donc ça reste rentable. Je disais que j'adorais l'absurde, là on va très loin dans l'absurde, vraiment très très loin. Déjà, je pense que la scène d'intro annonce la couleur en fait. Ouais. Il y a plein de blagues de cul, donc si vous aimez ça, vous allez être servi. Bah pour moi, en fait, Scary Movie c'est une version ultra grasse et dégueulasse. Et avec beaucoup de blagues sous la ceinture, des films des frères Zucker et Abrams. Très clairement. Je peux continuer. J'avais rien. D'accord. Fin d'anecdote, comme dirait Pierre Marmaille. Non, du coup, bon, il n'y a pas de. Comme dans Scream, t'as la volonté un peu de savoir qui est le tueur, t'essayes de repérer les indices. Là, t'en as rien à foutre. Clairement, c'est juste un film où t'es là, tu te poses, tu rigoles très fort à des blagues qui des fois sont pas ouf, hein. Genre, je suis désolé, mais juste des mecs. Je veux pas dire qu'une blague de Scary Movie n'est pas ouf, je suis désolé. Des mecs qui crient waza, c'est pas waza. Mais c'est trop bien, et c'est ça qui est incroyable avec ce film, c'est que t'as des trucs, tu te dis c'est basique, mais c'est tellement drôle. Je pense à la scène. Où ils disent « Ah putain, il y a un an quand on a tué ce mec, et qu'il l'écrase, et qu'il n'est pas mort, et qu'il fait « Non mais je vais bien, hein. Bon je me casse », et que l'autre il lance la bouteille, et qu'en fait il le tue en la bouteille. Ah mon dieu, on a écrasé une botte. Pour info, le Waza, c'est une pub de l'époque, hein, au cas où tu ne saurais pas. Ah c'est une pub? C'est une pub de l'époque, ouais, qui passait en 2000. Ah ok. Ok, je vais me prendre plus facile maintenant. Bref, c'est... Voilà. Je déteste dire ça, mais c'est un classique, c'est hyper cliché. Bon, après, c'est dans la parodie, c'est normal. Mais si vous l'avez pas vu, vraiment, voyez-le. Les suites sont pas folles, si ce n'est le 3. Le 2, quand même très cool. Ah, ouais, non, le 2, la scène où t'as la tarte à la crème, elle me fait mourir de rire. Le 2, c'est le... Toutes les scènes où t'as le mec avec sa main, là, elle est à mourir de rire. Ah oui. Le 2, c'est où il y a le fantôme invisible. Ouais, où t'as le mec qui encule le fantôme. Ou le mec qui se fait rouler par son plan de cannabis. Ouais. Ou la nana qui part en mode kung-fu avec un chat. Le chat. Oui. Voilà. Alors, d'ailleurs, pour boucler la boucle, Scary Movie 3 a été réalisé par David Zucker. Non, Scary Movie 2, pas 3. Oui, Scary Movie... Non, Scary Movie 3 a été réalisé par un des frères Zucker. Ah, oui, c'est le 2. Le 2, c'est les mêmes réalisateurs. Le 2, c'est toujours Killian Ivory Wayans, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, le 2, il y a quelques scènes sympas, et le 3 mérite d'être vu juste pour la scène avec Michael Jackson, voilà. Oh yeah. D'accord. Roman, quel film d'horreur nous conseillerais-tu pour Halloween ? Alors, juste pour rebondir sur Scary Movie, et plutôt sur le 2 d'ailleurs, dans les bonus du DVD, Il y a un striptease de Clara Morgan. Oui. Alors, voilà. Sache que j'ai acheté le DVD juste pour voir ça. Oh mon dieu. Je l'ai vu. J'avais 14 ans. Eh les gars, on n'a pas précisé un truc. Vous savez qui a produit Scary Movie ? Oui. On va pas prononcer son nom ici. On va pas, voilà. L'ogre. L'ogre. Ça commence par The Wine, ça finit par Stein. Je pense que c'est clair. C'est un mec qui aime pas Po qui finit par Lansky. Roman, laisse-moi le dire pour une fois. Vas-y, Roman, tu peux le dire. Quel film nous conseilles-tu pour Halloween ? Alors, c'est encore un film que j'ai revu tout à l'heure. Ah, mais putain, il s'est tout refait sa liste, en fait. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais beaucoup Trick or Treat de Michael Dougherty ? Est-ce que je t'ai dit que je trouvais que ce film vraiment pourri ? Oui, et je t'encule de toutes mes forces. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne par tous les trous, je te défonce. Je suis pas sûr que ta meuf soit vraiment très contente de ça. Hein. Elle a rigolé derrière moi, d'accord ? Je pense que tu es dans un couple libre, Roman. Oh oui, mais ça, c'est bon, ça va déjà. C'est toi qui va être ouvert bientôt, Willy. Donc, Trick or Treat de Michael Dougherty est un film à sketch sur. Sketch. Ta gueule. Ok, je vais le micro. Je suis désolé, je vais devoir couper mon micro et je vais dire que des conneries pendant que tu m'entendras pas les dire. Ce sera mieux pour ta santé mentale. Donc, Trick or Treat est un film à sketch sorti en 2007 ou 2009, réalisé par Michael Dougherty, c'était son premier film. Il a réalisé deux autres films après ça, à savoir Krampus et Godzilla 2, Roi des Monstres. 2007, voilà, j'ai ma fiche sous les yeux. Donc, Trick or Treat raconte l'histoire, raconte cinq histoires en fait, toutes entrecroisées sur Halloween et l'importance de respecter. Il n'y en a même pas cinq, il y en a quatre. Quatre histoires, autant pour moi. Désolé, je suis vraiment supportable, je déteste ce film. Et donc, c'est le premier film de Dougherty, et c'est fou comment ce film. Alors. J'ai remarqué un truc, il y a beaucoup d'acteurs ou de personnes qui ont passé dans le film qui ont des liens avec les super-héros. C'est-à-dire que dans les rôles principaux, on a Anna Paquin qui jouait Malicia dans la première trilogie X-Men. On a Dylan Baker qui joue le Dr. Connors dans les Spider-Man de Sam Raimi. Donc le réel, c'est Michael Dougherty qui est scénariste sur X-Men 2, X-Men Apocalypse et Superman Returns. Et c'est produit par Bryan Singer, le réalisateur de X-Men, X-Men 2, X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse. Voilà. Donc, c'est pas lui qui a réalisé Bohemian Rhapsody aussi ? Ce film n'existe pas. Mais oui, c'est lui. Il a aussi réalisé The Usual Suspects et regardez The Usual Suspects. Usual Suspects, c'est génial. D'ailleurs, Scary Movie, Usual Suspects, j'en dis pas plus. Désolé, mais oui, j'ai compris, ça me fait très rire. Juste, je t'applaudis. Merci. Quand t'as fini le film, tu te dis, je vais éviter d'éteindre les citrouilles des gens, parce que c'est pas bien, et que je risque de mourir d'une mort atroce à coup de strangulation et de décapitation par sucette de démons, et c'est pas bien. C'est pas en finissant le film que tu meurs. Ta gueule. Va niquer absolument tous tes ancêtres, même ceux qui sont morts, même ceux qui sont en vie, même ceux que tu ne connais pas. D'ailleurs, tu es adopté, Ulysse. Mais en fait, ça tombe bien, parce que je suis mort, c'est plus facile pour moi de les niquer, en fait. Tu vois. Donc j'y vais de ce pas. Est-ce que je te ressors la réplique du Père Noël est une ordure ? Je t'en prie. Je te prends, je te retourne par tous les trous, je te défonce, je t'encule, Ulysse. Il dit vraiment Ulysse dans le Père Noël est une ordure. C'est Thérèse. Mais c'est pareil, tu es ma pute. Oh. Mais vous prenez, vous en étiez à peau de couille, je crois. Je crois aussi, ouais. Et donc, j'allais dire le père de l'étude en dur. Trick or treat, c'est absolument génial comparé à ce que Ulysse peut en dire parce que cet homme est impur et a été fabriqué par les fesses. Donc trick or treat, c'est génial, les acteurs sont fous, les effets gore, j'aime beaucoup les effets gore de ce film. J'adore le gore. Je suis normal. Le gore dans ce film est génial. La réa, notamment la scène chez le vieux. On en parle de la scène chez le vieux, Ulysse. C'est la meilleure scène du film, mais elle est moyenne. Je t'encule. Non mais c'est une scène sans cette scène là, enfin sans ce segment là, je pense que j'aurais mis juste un 2 au film, mais du coup j'ai mis un 5. Voilà. Si tu avais fait ça, tu aurais été en incapacité de t'asseoir le restant de ta vie. Est-ce que c'est clair? Je pense oui. J'ai vu Castle Freak il y a pas longtemps, donc je peux imaginer. J'ai absolument aucun souvenir de Castle Freak, je l'ai vu il y a longtemps. Bah, c'était par rapport au mec qui est dans la cave et qu'on lui coupe la bite. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'on m'a coupé la bite, moi aussi. Ça explique des choses. Vous avez pas la vidéo sur le podcast, mais voilà. J'ai terminé avec Trick or Treat. C'est génial, Booger T est un génie. D'ailleurs, il y a un projet de Trick or Treat 2 en préparation, apparemment, d'après IMDb. Toujours réalisé par Booger T. Ulysse va s'empresser de regarder, évidemment. Ah bah oui, attendez qu'il sort, je serai en salle. Et alors, le film n'a jamais été distribué en France, pour X ou Y raison. Ulysse, je t'interdis de parler. Et donc il y a un Blu-ray qui existe avec une VF du Québec. Ulysse, parle sur la VF, vas-y. C'est de la merde. C'est du Québec en même temps, les gars. J'ai rien contre les Québécois, mais bon. La version québécoise de Scary Movie est géniale, d'accord? Oh non. Non. Ah si, la version québécoise de Scary Movie est folle. J'ai pas écouté, je peux pas juger. T'as pas écouté la version québécoise de ce qu'elle a movie, non? Tabarnak, je crois que j'ai pas écouté la version québécoise de ce qu'elle a movie, là. À part ça, du moment où le film s'appelle Film de peur. T'as pas écouté ce qu'elle est beau movie? Non. Très joli, Roman, très joli. Merci. J'ai l'impression d'être dans une garderie et je dois garder les deux, en fait. Bah, tu sais quoi, Hugo? Et je suis le plus jeune d'ici, oui, en plus. Ferme ta bouche. En plus. Ouais. En plus. Bon. Ulysse, c'est à toi. Ok. Avant d'avoir des films. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup le film Césure de Oliver Stone? Oui, oui, bien. Oui, oui, le Oliver Stone qui a réalisé Tuerner. Parce que j'aime énormément Césure. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc pour l'histoire, C'est l'histoire d'un écrivain qui est en proie à des cauchemars où il revoit donc les créatures qui sortent de son imagination et qu'il a couché sur papier. Et un soir, il invite du coup des amis chez lui. Il va se passer que les créatures de son imagination, donc de son livre, vont arriver pour tourmenter nos protagonistes et les mettre en face à des jeux sadiques. Pour information, je sais pas, là je viens de voir, mais césure, ça veut dire crise d'épilepsie, donc je déconseille ce film aux épileptiques, je déconne. Voilà. C'est un film qui date des années 80 ou 70, je crois. Attends, je regarde ça. 74. Et c'est un de mes films préférés. C'est génial. Dans les acteurs, on retrouve Hervé Vilches, qui joue Spider, ou en VF, l'araignée. Et aussi l'actrice Martine Beswick, qui est beaucoup trop belle. Vraiment, on dirait Elvira, mais en mieux. Elle est trop belle, bordel de merde. Et vraiment, Césure, c'est un de mes films préférés. Et au québécois, ce film s'appelle Tango Macabre. Je viens de voir ça, incroyable. Ce que je vais dire aussi, le film, il a l'air d'être totalement chelou. Le rythme est bizarre, les scènes sont bizarres, et des fois, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une suite continuité logique. Bon, s'il y en a une, mais il faut des fois chercher un peu. Très simplement parce que les gens qui ont fait ce film se sont retrouvés en fait dans une maison en plein milieu de l'Angleterre, coupée de beaucoup d'électricité. Enfin, genre, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. La maison était dans un piteux état. Et ils étaient donc en plein milieu de la campagne anglaise, avec pour leur tenir compagnie uniquement de l'eau, des vivres, beaucoup de LSD. Ce qui fait qu'ils étaient tous cuits sur le plateau, tous bourrés, tous défoncés, et ça a couché du film Césure. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter chef-d'œuvre. C'est incroyable. Encore plus quand on se dit que tous les gens qui ont fait ce film, ils étaient défoncés, que ce soit les acteurs, que ce soit le caméraman, que ce soit le réalisateur qui... C'est génial. Voilà. Hugo, quel film nous conseillerais-tu pour Halloween ? Ah là là là là, le dernier film de ce soir. L'avant-dernier. Ah non, c'est mon dernier. Ah, t'en as pris 4 ? Ah oui. Ah mais c'était 5. Bah non, mais là je suis au 5ème là. Mais non, t'es ok. Attends. Coraline, Sakurande. Ah oui, ok, d'accord, oui, excuse-moi. Oui, j'ai mal compté. Oui, toi t'en as ton 5ème, moi j'en étais à mon 4ème. Oui. Excusez-nous, chers auditeurs, s'il y en a encore, ça fait quand même 1h16 qu'on enregistre. Non, 2h16. Pardon cinéma, c'est 3h, t'inquiète, ça va. On ne va pas parler de pardon cinéma, sinon on va dire qu'on nous copie, qu'on les copie. Est-ce que ce serait pas un peu vrai dans le fond? J'ai rien dit. Fais gaffe. Du coup, ce sera It Follows de David Robert Mitchell, qui est pas son premier long, mais qui est son premier long à avoir une sortie sale. En tout cas en France, je crois qu'il était sorti... aux États-Unis, au Royaume-Uni, son premier long, je ne sais plus. J'ai pas la foi d'aller sur Wikipédia. Il faut que ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Jay qui vit à Détroit et qui sort avec un mec. Il faut le sexe ! Exactement. Et sauf qu'en faisant le sexe, et il va lui transmettre une chose en fait. Le sida. Très clairement, non mais le film ça parle de sida, je suis désolé. Ouais. Si, c'est une métaphore des MST. Oui, c'est une métaphore des MST. Oui. C'est un truc qui te suit jusqu'à ta mort, mais ça... le seul, et tu peux le transmettre aux autres. C'est vrai. Voilà. Mais oui, bon, c'est vrai, oui, c'est pas faux. Du coup, en gros, ça, il y a une créature qui peut prendre n'importe quelle forme. Mais enfin forme humaine je parle, qui peut se transformer en dans la forme du père d'Ulysse par exemple, pourquoi pas. On parle pas de mon père, ok. Je voulais pas d'Ulysse. Non, sois pas désolé, hein, c'est un connard. Oh là, ok. J'ai pas oublié la petite anecdote de l'autre fois. On retourne sur It Follows. Et du coup en gros il va lui dire Eh ben écoute, il y a cette chose que tu vois clairement arriver de loin, qui est très lente. Si elle t'atteint, elle te bute, et la seule façon de t'en débarrasser, c'est de refaire l'amour avec quelqu'un. Et on dit aussi que si en gros la personne arrive à tuer, enfin si la chose arrive à tuer la personne à laquelle elle est rattachée, ça revient à la personne d'avant. Voilà. Question. Est-ce que si du coup tu fais l'amour avec... Attends. J'ai peur. Ok. Est-ce que ça veut dire que si tu fais l'amour avec Timothée Chalamet, la chose osera s'approcher de lui? Oh putain. Je crois pas. Hein. Pardon Timothée Chalamet. On sait que c'est un grand auditeur de ce podcast. On n'est pas désolé. On n'est pas désolé. Chalamet, d'accord. Bon. Bref. Ça va faire plaisir à Roman notamment. Parce que le réalisateur a notamment cité Carpenter dans ses inspirations pour le film. Ça va pas faire plaisir qu'à Roman, hein. Moi aussi je suis un grand fan de Carpenter. Oui, mais je pense d'abord à Roman. Si ça peut vous convaincre, il a eu le prix de la critique au Festival de Deauville, qui est le festival américain. Il a été primé à Gérard Armé aussi, et ça c'est toujours un gage de qualité. Il était à la quinzaine, si je dis... Non, je sais plus. Il était quelque part à Cannes. Et c'est un des films qui m'a mis le plus mal, vraiment. C'est-à-dire que on voit la chose au loin qui arrive lentement. Et inévitablement, le réalisateur arrête de la filmer. Et ça me met dans un état de stress, surtout que je déteste les trop grands espaces. Ça m'a mis dans un état de mal-être profond, et je sais que tout le monde ne va pas être aussi mal que moi devant ce film, mais franchement, laissez-vous une chance. Je pense que le soir d'Halloween, ça peut vraiment être charmé. J'ai une scène en tête, notamment, où en plus, c'est même pas dans un espace large, mais c'est la scène où où elle ouvre la porte, et fait « Ouais, bah c'est que moi », et t'as le grand mec qui apparaît derrière. C'est un vrai acteur, c'est pas des effets numériques. C'est un vrai acteur. C'est le mec le plus grand du monde qui a joué dans le film. Oh là, et il est mort après le film, je crois. Quelque temps après. Moi, j'ai moyennement aimé It Follows, je dois avouer, mais je ne l'ai pas vu dans les conditions. Merci, Ulysse. Du coup, pour finir. Je trouve le film bien. Je vois toutes les qualités du film, mais je l'ai vu avec un de mes meilleurs potes. Et genre, c'est un de mes potes... On n'est pas du style à mater des films sérieusement, quoi. C'est avec lui que j'ai regardé Brutus versus César, si ça peut vous faire une idée. Et on se regarde aussi c'est Graal ensemble, on se regarde aussi beaucoup Jackass. Donc, clairement, je l'ai regardé avec un pote avec qui regarder des films sérieusement, c'est pas possible. Du coup, on était beaucoup en train de déconner. Et je pense que du coup, bah, je suis pas vraiment rentré dans le film, et voilà. Mais il faudrait peut-être que je me le retente, parce que je l'avais acheté en DVD. Attends, c'est un film où vraiment il faut vraiment être. D'ailleurs, bon, ça c'est tous les films, mais la lâchez votre téléphone. It Follows est une des meilleures BO de films d'horreur. C'est vrai, et visuellement, c'est magnifique. Je pense à la scène de fin dans la piscine. C'est d'une beauté sans nom. Et j'avais un truc à redire, mais. Ton intervention m'a fait oublier. Merde, c'est pas grave. Oui, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kier Gilchrist, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui est l'acteur principal de ma série préférée qui est Atypical. Et c'est la première fois que je le voyais autre part que dans Atypical, et ça fait bizarre parce que quand tu le vois pendant deux saisons jouer un autiste et que d'un coup il est neurotypique, c'est bizarre. Voilà, c'est à peu près tout. Franchement, regardez It Follows. Il est dans mon top 3 des films d'horreur qui m'ont mis le plus mal. Et... Avec 30 jours max. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oh. C'est pas avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est en fait des portes ouvertes. Parle plutôt de Rien à déclarer de Danny Boone. Ou de Brutus. Non. 22 milliards. Et oui, j'ai un petit mot à toucher sur le deuxième long métrage de David Overmichel, qui n'est pas du tout de l'horreur, mais qui est Under the Silver Lake avec Andrew Garfield dans le rôle principal. C'est formidable. D'ailleurs, Hugo a un petit mot à toucher et Polanski a un petit mot à toucher. D'ailleurs, bon, on va pas partir dans un débat, mais sachez que des trois Spider-Man, Andrew Garfield est le meilleur acteur. Voilà. Non. Et le meilleur acteur, pas le meilleur Spider-Man. Non, c'est le meilleur Spider-Man aussi. Non. Oh, non, non. Moi, je trouve que le meilleur Spider-Man, c'est Elmo au pays des Grincheux. Putain. Moi, je trouve que c'est Tarek Boudeli. Eh bien, moi, je trouve que c'est Timothée Chalamet. Moi, je trouve que c'est... Que c'est la main droite du Shinji dans Evangelion. Seuls les plus dégueulasses d'entre nous auront la ref. Je dis pas la ref. Je dis, sérieux. Le savais-tu, Ulysse adore Evangelion. Le savais-tu, Ulysse, à Halloween, il va traîner toute la nuit. D'ailleurs, je comprends pas. J'étais à l'hôpital, ils m'ont viré. J'étais juste en train de reproduire une scène d'Evangelion, j'ai rien fait de mal. Oh, mais nique ta mère. Alors... Hugo, tu n'auras pas la ref. J'ai pas la ref. Tu regarderas The End of Evangelion, tu comprendras et tu te diras qu'on est des gros dégueulasses. J'ai peur. C'est une des scènes les plus atroces des trucs. Mais voilà, de toute façon, c'est pas un choix, tu regarderas Evangelion. Oui, je suis. Enfin, de toute façon, je pense que vous avez compris que je suis celui qui a de mon expérience en termes de film. Oh, et hein. Donc, pas ça, sinon je te tarte. Je me fais driver un peu par ces deux énergumènes, mais ils sont sympas. Regardez, merci. Enculé. Ils sont sympas, c'est mes potes. Salut, enculé. C'est pas un conseil de visionnage, c'est un ordre. La santé de ton anus en dépend. Tu sais, je pense que je m'en bats les couilles. Voilà. Pour moi, tu vas finir avec beaucoup d'hématomes. Ulysse, ah bon. Non, c'est un Roman. Roman. C'est Roman. Quel alors, est ton Roman. Film Parlons de Carpenter. Ah oui, Roman. Et parlons d'Halloween. Ah oui. C'est quoi? Je connais pas. Parle-moi d'Halloween, montre. Non, okay, j'arrête. Halloween, c'est le troisième long métrage de Carpenter. Troisième, seulement. Le mec te sort ce chef-d'œuvre en 78. Suçage incoming. Alors non, mais là, on arrive sur le... Je te jure, je connaissais Roman, son film préféré, c'était Halloween. Maintenant, c'est ouais. La Cité de la Peur. Maintenant, c'est la Cité de la Peur. Parce que, voilà. Mais je suis encore la logique dans ce podcast. Halloween reste mon film d'horreur préféré. Pour tout. La mise en... de Carpenter qui est magistral, le jeu d'acteur Jamie Lee Curtis est absolument génial aussi. Faut savoir que c'était son premier film en tant qu'actrice, Jamie Lee Curtis. Sérieux? Ouais, son putain, premier. Elle a fait un de ses strikes dès le début. C'est clair. Ah ouais, ouais, ouais. Non, parce que maintenant tu me dis Jamie Lee Curtis, je pense tout de suite à Halloween. À Halloween, hein. Oui, clairement. Ouais. Et à son striptease dans True Lies. Aussi, oui, mais ça... ça devait rester entre nous. Et donc, c'est le rôle qui lui collera un peu à la peau parce qu'elle a joué dans 5 des 11 films. Oui, il y a 11 films dans la saga Halloween. C'est beaucoup. Ouais. Et donc, elle a joué... J'ai envie de dire, il y a 10 films dans la saga Hellraiser. Et quand dans Halloween et 18, où elle est putain de badass, c'est la mamie badass, cette meuf-là, vraiment. Un peu comme dans Terminator Dark Fate, non? Je crois qu'elle a joué dans 6, pas dans 5. Elle est pas dans Terminator. Non, non, mais je parlais du fait de voir Sarah Connor badass, MDR. Quand tu dis qu'elle joue la mamie badass, tu parles duquel? Dans le tout dernier Terminator. Non mais dans, je parle de Roman quand tu dis. Ah que... oui, dans 2018. Ah bah, dans le Halloween de 2018. Qui est nul à chier. Ta mère. Voilà. Il tue Halloween 2018, d'accord. Il est génial. Je l'ai pas vu, mais pour le coup, j'aime beaucoup Halloween de base, donc il a l'air d'être incroyable. De tout, j'ai vu pour l'instant que trois films Halloween, c'est-à-dire Halloween 1, Halloween 2 et Halloween de Rob Zombie. Il est génial, de Rob Zombie. Oui, oui, et c'est trois films que j'ai beaucoup aimés. J'attends juste de me. Là, en fait, actuellement, je pense que je vais me faire beaucoup de sagas horrifiques. Là, je suis en train de me refaire tous les Freddy. Après, je vais me faire du coup tous les Halloween. Et après, je me ferai tous les vendredis 13. Ouais. Parce que c'est vraiment une lacune. Pendant longtemps, je n'osais pas regarder la suite des films d'horreur. Les 13, tu pourras t'arrêter après le 7. Alors non, j'ai envie de regarder des nanars. Alors regarde le 10. J'ai envie de pleurer. Pourquoi ? Parce que c'est le même réalisateur qui fait les deux prochains Halloween. Ouais, David Gordon Green. Oui. Qui a aussi réalisé Pineapple Express avec Seth Rogen et James Franco. Ah. Et d'ailleurs, tu as bien dit de la merde parce que Carpenter n'est pas du tout au scénario. En tout cas, il est à la production. Il est à la production. Mais on sait qu'aux States, des fois, ça met des gens à la production histoire de dire ouais, il est là quoi. Non, non, parce qu'il est sur le tournage aussi. Il assistait au tournage, Carpenter. Il était producteur exécutif donc. Sûrement. Bah attends, je regarde. Je te dis ça. En fait, on pourrait consacrer un podcast entier juste à Halloween, je pense. Ah oui, facile. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, je le dis maintenant parce que ça passe par la tête, mais à la fin de l'année, je pense qu'un top et flop, je pense que ça peut être bien. Enfin, oui, oui, on fera un top de l'année, il n'y a pas de souci. Il est producteur exé, ouais, Carpenter. Non, rien que sûr. Parce que les producteurs exé, c'est ceux qui sont sur le plateau. Et Jamie Curtis aussi était productrice exé. Ah! Après, elle joue, elle. Donc, Ouais, mais il y a une différence entre acteur et producteur aussi. Oui, bien sûr. Clairement. Et c'est le retour de Carpenter qui s'implique dans la saga depuis Halloween 3. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que, en gros, Carpenter et Debra Hill, ils en avaient marre de Michael Myers après Halloween 2. Oui. Ça, j'étais au courant. Merde, désolé, je t'ai coupé. Vas-y. Et donc, ils voulaient partir sur un truc qui serait un peu comme la quatrième dimension, mais au cinéma. C'est-à-dire des épisodes qui n'auraient pas de lien entre eux. À part l'horreur. Anthologie. Je peux finir sur celui de 2018, vite fait. Vite fait. À la fin, il brûle. Oui. Voilà. Pourquoi t'as spoil ? Mais dans Halloween 2 aussi, à la fin, il brûle. Hein. Oui, mais en fait, ça, c'est un running gag. C'est parce que, genre, j'étais avec un pote, il a tellement détesté le film que quand on était dans les transports juste après, il disait à tout le monde, à la fin, il brûle. Et du coup, ça m'a fait me courir. Voilà. D'ailleurs, le synopsis du prochain est vraiment éclaté. Je vous le lis, hein. Une phrase. Non, tu ne le lis pas, sinon après je te casse. Après les événements d'Halloween, Michael Myers, qui a survécu à l'incendie de la maison de Laurie Strode, il est increvable, dis donc. Et de oui, retour. Il est increvable. Oui, c'est le mal absolu. Regarde le Halloween de Carpenter, justement. Son psychiatre le présente comme le mal absolu. Dans ses yeux, il n'y a rien. Ses yeux, The Shape. C'est ça, c'est The Shape. Mais... C'est la forme. Il est humain quand même, c'est un il est censé être humain, de base c'est un humain, mais... Il peut crever, je pense. C'est une entité plus qu'un être humain. Mais oui. Je pense que si tu le fais crever, tu ne peux plus... faire des films avec lui. Et non. C'est parce que, parce que dès le début, Tony Carpenter, il a voulu faire du personnage de Michael Myers un concept plus qu'un personnage. Oui, mais tu peux quand même avouer qu'il y a quand même beaucoup de films. Oui, mais là je te parle depuis le début du de base, Carpenter, il voulait pas faire, il voulait pas, il n'était pas parti sur faire une série Halloween. Alors quand justement, il a dit voilà, justement. À la fin de Halloween 1, Myers s'en sort aussi. Et ça, c'était pas... C'est une volonté de Carpenter. Alors, juste, Hugo, tu dis il y a beaucoup de films. Disons que la chronologie de la saga Halloween, c'est ce qu'on pourrait appeler un beau merdier. Ah oui, clairement. Tu connais un peu la chronologie ? Dans l'ensemble, mais oui. De ce que je sais... T'as le Halloween de Carpenter. Après, t'as eu Halloween 2. Qui est excellent. Qui est excellent. Donc qui est la suite directe de Halloween 1. Ça se passe la même nuit. Halloween 2, Halloween 1 se passe la même nuit. Après, t'as Halloween 3 qui n'a rien à voir avec les deux autres Halloween. Il n'y a même pas Michael Myers dedans. Après, t'as Halloween 4 et 5 qui sont la suite de Halloween 1 et 2. Après, t'as Halloween 6, qui est la suite de Halloween 2, mais une suite parallèle. Après, t'as Halloween 7 et 8, qui sont encore des suites parallèles de Halloween 1 et 2. Après, t'as eu les remakes de Rob Zombie, qui ont rien à voir. Et après, t'as le Halloween de 2018, qui est la suite directe du Halloween de 78. Le sachiez-tu, Roman aime Halloween. Ça y est, Halloween, très fort. J'ai mon Blu-ray 4K sous les yeux et j'en suis très fier. Oh yeah, c'est le Blu-ray AESC. J'entends un truc se lever. Dans son caleçon. C'est le Blu-ray 30e anniversaire 40e. Ah oui, trop beau. Vraiment super beau comme Attends, je vais chercher une image. C'est le Blu-ray qui est sorti l'année dernière. Ah ouais, il est super beau. Ça, c'est le 41e anniversaire du coup. Mais ouais. Non, il est super beau. Il est magnifique. C'est avec l'estrouille qui est marron, enfin qui est noir et blanc à la place d'être orange. Attends. Non, elle est orange. Ah, attends, je regarde sur internet vite fait l'édition. Moi et Roman, nous sommes des gros fans du support physique. Oui. Ah bon? Vraiment? D'ailleurs, une question, on a besoin d'un Blu-ray, d'un lecteur de Blu-ray 4K pour lire des Blu-ray 4K? Oui. Bah, logiquement. Ok. Et de DVD 4K aussi, d'ailleurs. Oui, mieux. Et bref, est-ce que je peux toucher deux mots sur la musique de Carpenter? Parce que Carpenter compose lui-même les musiques de ses films. C'est vrai, putain. Bah, sauf pour certains. Genre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais oui, ça remonte. Hein. Quand je dis tout à l'heure, c'était genre il y a une heure. L'Antre de la Folie. C'est pas lui qui a composé tout. Ouais, non, il l'a composé avec quelqu'un d'autre. Et c'est Ennio Morricone, sinon. Mais à part ça, Carpenter compose les BO de quasiment tous ses films. Pas tout seul. Il est pas tout seul sur Halloween, il me semble. T'es sûr? De mémoire, oui. En tout cas, les thèmes originaux du Halloween de 2018, c'est lui aussi. Oui, ça oui. Alors, je regarde là les éditions. Ouais, le 4K Ultra HD du coup pour Halloween. Oui, la strouille elle est en couleur, mais c'est pour le combo Blu-ray DVD du 40e anniversaire qui est en noir et blanc avec les yeux voilà. Ah non, moi c'est le 4K, c'est pas le combo Blu-ray DVD. Bah, j'aime beaucoup la version qu'il y a sur le combo DVD pour le coup, elle est super belle. Ouais, mais il fait 40€ alors que là il a coûté que 30. Oui, c'est pas faux. Je fais un mea culpa, il est bien tout seul à la musique. Voilà. Ah bah quand même. En même temps, c'est Carpenter. Oui, Carpenter. Nique ta mère, je peux faire tout seul. Quoi? C'est Carpenter, c'est le genre de gars qui dit nique ta mère, je peux faire ça tout seul. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on en a fini sur Halloween ou on peut encore en parler pendant 3 heures? Est-ce qu'on met à parler du film en lui-même déjà? Ça fait déjà 2h40 qu'on enregistre. Ouais, c'est pas faux. Et on n'a pas parlé du film en lui-même. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, le film en lui-même, la DA de Carpenter est absolument géniale. Sans blague. Oui, la direction artistique est folle. Les décors sont malades. Aussi, la direction d'acteur est géniale. Les décors, par contre, je vois pas ce que tu trouves de génial, genre c'est des maisons. Bah oui, mais c'est la façon de filmer les maisons, justement. Ah oui, bah ok, d'accord, ok. Il arrive à te rendre ça anxiogène, surtout en foutant personne dans les rues, alors que c'est une banlieue américaine en fin d'Halloween. C'est surtout parce que c'est un quartier qui est ultra banal. Oui, c'est ça. C'est comme, par exemple, dans Les Griffes de la Nuit, Wes Craven, il a choisi d'appeler la rue Elm Street, parce qu'il a dit, dans toutes les villes, il y a une rue qui s'appelle Elm Street. Ouais. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est là. D'ailleurs, ouais. Petite anecdote, je suis désolé, la première fois que j'ai vu Halloween de John Carpenter, je l'ai considéré comme un gros nanar. J'étais avec un pote, on avait 12 ans. On le matait. Et en fait, nous, on était vraiment habitués. On n'était pas habitués aux films d'horreur avec un rythme ultra lent. Et ça nous faisait mourir de rire de voir Michael Myers se cacher à moitié derrière un truc comme coucou et tout. Et nous, ça nous faisait rire en fait. On aurait dit un gamin qui se cachait. Et en plus, il y a la musique à chaque fois, tu vois. Ça peut être drôle, hein. Ouais, c'est ça. Et ça faisait rire. Et... Attends, j'ai pas fini. Juste, et on était mort de rire aussi, parce que c'est une scène toujours qui me fait un petit peu sourire, parce que je trouve ça quand même un petit peu mal foutu, mais bon, c'est pas si grave que ça. Michael Myers qui tue un mec juste en lui plantant un couteau dans le ventre. Et le mec meurt instantanément. Et qui le suspend au mur ? Oui, mais ça, il est déjà mort quand il le suspend au mur. Oui. Dans la vraie vie, on te plante un couteau dans le ventre. Tu sais beaucoup, mais, tu meurs pas. Tu meurs pas, oui. Il y a qu'à revoir la scène d'intro de Reservoir Dogs. Est-ce qu'on parle de la scène d'intro du film ? Ouais, vas-y. La scène d'intro, plan séquence en vue subjective, depuis les yeux de Michael Myers, qui tue sa grande sœur, et du coup devrais-je l'appeler Michel ? Oh, Michel ! Michel ! You had one job. Michel Meyer, donc, pour la VF. Michel Meyer. Oh mon dieu. Michel Meyer, c'est génial. D'ailleurs, petit fun fact, Jason dans Vendredi 13, en VF, il s'appelle Jackie. Quoi ? On a Jackie et Michel, du coup. Oh putain, je savais pas. Ah oui, Jackie Michel. Je savais pas. Voilà. Oh mon dieu. Et plan séquence subjective, et on se rend compte, à la fin de la scène, que Michael a 6 ans quand il tue sa grande sœur. Oui, c'est incroyable. Ah, Michel, t'as fait quoi du coup cette nuit ? Ah, moi j'ai buté ma grand-mère. Sa grande sœur, pas sa grand-mère. Bah, peut-être qu'il a fait ça aussi avec la vieille, hein, on sait pas. J'ai aussi tué le chat et j'ai tué mon beau-père. Ça, c'est dans le film de Rob Zombie. Je sais, c'était une référence. Ou alors c'est la volonté d'Ulysse. Non, j'aime beaucoup mon beau-père. Ah. Bref, on a beaucoup tergiversé. Halloween, ouais. C'est génial. Ratez-le. Bah, je pense que tout le monde a vu Halloween, vu que c'est un gros classique. Et si vous l'avez mais vu, toujours avoir pour Halloween, c'est... Voilà, c'est mieux que de voir la nuit d'Halloween. Hein. Oui, c'est ça. Bon, moi, du coup, j'avais envie de vous parler d'un film que j'aime beaucoup, beaucoup, qui fait partie de mes films de Dario Argento favoris, après Opéra. Je vous parlais, du coup, de Phénoména. Attends, est-ce qu'il a un titre québécois ? Parce que s'il a un titre québécois, il s'annonce glorieux. Alors, je cherche ça. Je pensais jamais chercher Phénoména Québec un jour. Alors. Ouais, j'arrive pas à trouver. Ah ! Alors. A priori, il n'en a pas. Ouais, il n'en a pas. Bref, Phénoména, donc de Dario Argento, sorti en 85, avec une de mes actrices favorites, Jennifer Connelly, que nous pouvons retrouver aussi dans Labyrinthe de Jim Henson, et aussi... Ou dans la série Snowpiercer de merde qui est sortie sur Netflix. J'ai pas vu, mais je sais très... Mais elle joue aussi, du coup, dans Dark City de Alex Proyas, qui est un de mes films préférés, regardez Dark City. Dans Requiem for a Dream aussi. Ah oui, aussi, mais j'ai du mal avec ce film. Très bien. Alors... du coup, sachez, pour les metalhead comme moi, que dans cette musique, nous avons, dans ce film, nous avons quand même du Iron Maiden et du Motorhead. Ça fait toujours plaisir. Donc en gros, l'histoire, c'est une nana qui va dans un internat, parce que son père est un producteur de cinéma. Et donc elle est amenée du coup dans une maison, etc. Parce qu'elle fait des cauchemars. Et du coup, elle va être en Suisse et il va y avoir du coup pas mal de meurtres qui vont se produire dans son coin, enfin là où elle est quoi, et des meurtres de giallo. Hein. C'est un giallo fantastique comme Dario Argento a le secret. Et donc il va y avoir des meurtres bizarres et entre temps Jennifer Connelly, elle s'appelle Jennifer dans le film, hein, mais bref, Jennifer Connelly va tomber sur la maison d'un vieux savant qui est un expert des insectes qui vit avec son singe. Et C'est un peu bizarre comme film. Hein. Du coup, il va apprendre à Jennifer Connelly d'utiliser ses pouvoirs mystiques qui lui permettent de contrôler les insectes. Et grâce aux insectes, elle va essayer de trouver qui est le meurtrier. C'est très clairement un des meilleurs films de Dario Argento. C'est très très très bien mis en scène, bah, c'est très très beau. Bref, ça c'est le classique chez Argento. Et c'est dégueulasse. Il y a des effets gore qui sont très efficaces. La fin du film, on entre dans un niveau de dégueulasserie encore un peu inédit chez Dario Argento. Jamais il s'était lâché à ce point dans le dégueulasse et dans le malsain et dans le glauque. Il avait fait ça avec un de ses films, Master of Horror, donc pour ceux qui connaissent, qui s'appelle J'aurai leur peau, qui était un gros gros navet, mais qui avait des effets gore incroyables. Donc voilà, Dario Argento, c'est sublime, c'est un de mes histoires favoris, et Phenomena, c'est un de mes films favoris. Pour Halloween, c'est excellent, à mater seul ou entre potes, et surtout si vos potes aiment le métal, là. Voilà. Vous voulez vous réactiver vos micros, les gars ? Voilà, donc il est temps de conclure. Je crois que tout le monde a présenté donc les films d'Halloween. Ça fait 2h40 que nous enregistrons. Il est actuellement 00h17. On a commencé à 21h30. Ouais. C'était, en tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer cette émission avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Moi, je commence à avoir les paupières un petit peu lourdes. Oh, ça va, je vais peut-être me faire un petit film, moi, derrière. Ouais, moi, faut que je me finisse Freddy 3, là. Il me reste une demi-heure de film. Vu que je suis allé voir Drone tout à l'heure, j'avais pas fini. Mais bref, voilà. J'espère que vous avez réussi à survivre jusqu'à là, nos célèbres auditeurs, qu'est-ce que j'en raconte? Nos chers auditeurs. C'est fatigué. Oui. Et du coup, on se retrouvera le mois prochain pour un second épisode des podcasts de la nuit. On ne sait pas encore de quoi ça va parler, quel sera le thème, mais voilà, on vous tiendra au jus. N'hésitez pas à nous suivre tous sur Instagram. Normalement, en miniature de vidéo, vous avez tous nos Instagram. Sachez qu'on produit généralement des critiques de films. Qu'on a chacun en fait des goûts différents en termes de cinéma. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous cherchez un film à mater ou si jamais vous voulez de l'analyse de film. Je vais vous laisser du coup vous les gars parce que j'ai quand même beaucoup parlé. J'avoue que j'ai beaucoup présenté, que c'est fatigué. La prochaine fois c'est pas moi qui présenterai. Hein. Mais voilà, je vous laisse conclure et voilà, bisous à vous. Moi, je coupe mon micro. Tu veux le mot de la fin, Roman, ou j'ai mis Coleman maintenant. Bon, bref. Merci à vous. On m'a laissé Hugo tout seul. T'inquiète. Merci à vous d'avoir écouté. Surtout si vous avez écouté jusque-là, vous êtes très courageux. Parce que juste écouter trois mecs parler de choses qui les passionnent, c'est dur. C'est très dur. Mais donc voilà. Comme a dit Ulysse, n'hésitez pas à nous suivre, il y a du contenu varié, même si Ulysse a perdu son compte, malheureusement, et qu'il était très garni. Je pense que tu peux peut-être réagir sur ça, Ulysse. Ouais, j'ai perdu mon compte il y a quelques temps parce que j'avais mis des extraits de films qui ne m'appartenaient pas. C'est la dure loi de l'Internet. Mais j'en ai recréé un il n'y a pas longtemps où je me suis mis à faire des critiques que j'essaie de faire beaucoup plus construites et beaucoup plus longues. Voilà. Et donc, du coup, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis, à nous dire... On t'entend pas, Roman ! Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, genre que Roman ait un meilleur micro, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Et on se dit au mois prochain pour encore plus de cinéma. Et Roman, tu as l'honneur de conclure ce premier épisode. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes toujours là jusqu'à là, c'est que vous avez supporté 2h45 de trois mecs qui parlent de films d'horreur et que, enfin pas que, mais surtout de films d'horreur et que les films d'horreur c'est bien. Bonne soirée si vous écoutez ça le soir. Bonne journée si vous êtes un chômeur. Et ben moi je vous dis au revoir. Peace. Ciao. Bisous.